Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 56e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette nouvelle émission, on a du gros, du très très gros et je suis accompagné de Laurent. Salut Lolo. Salut tout le monde. Ça va bien? Bah oui. T'es joyeux, hein? Bah, tu oui. Vas bien toi en ce moment, t'es content hein? Il est content. Ah bah attends, en début de semaine j'étais en train de dire à tout le monde, putain je sais pas ce qu'on va raconter, il y a rien. Et puis tout d'un coup c'est le feu d'artifice, donc je vais pas m'en plaindre. Ah, ça fait quelques jours que t'arrêtes pas de remuer de la queue, on te sent en jouissant. Ah bah ça fait plaisir hein, attends, je dis merde, avec les mois qu'on vient de passer, je dis putain, ouais. Ça c'est clair. Mais attention, il y a un autre truc qui fait plaisir, c'est qu'on a un revenant dans l'émission, c'est Sébastien. Salut Seb. Salut Sei, salut Laurent. Salut. Ça va? Bah écoute, ça va et vous? Bah ouais, ça va. Bah ça fait super plaisir en tout cas de t'avoir là, c'est une surprise, c'était pas prévu. Mais voilà, tu sais que t'as ton siège qui est toujours là dans le coin de la pièce, qui commence à prendre un petit peu des toiles d'araignée, mais en tout cas voilà, il est toujours à toi, il y a toujours ton nom dessus, donc ça fait plaisir. C'est bien. Bien, merci beaucoup pour l'accueil. Voilà. Et puis du coup, bah voilà, on a pas mal de news, pas mal de bonnes news cette semaine. Et donc c'est tombé quand? Bah c'est tombé aujourd'hui. D'ailleurs, donc on enregistre jeudi 18. C'est les premiers visuels des PS Move 2. Alors je sais pas si ça va être le nom officiel, mais en tout cas non. Voilà, c'est le nom, enfin en tout cas c'est voilà les visuels en fait des nouveaux contrôleurs qu'il y aura pour le PSVR 2 qui a été officialisé il y a quelques semaines maintenant. Et ouais, ça bouge hein. Ça bouge et ça fait plaisir. Laurent, tu as dû les voir hein, j'imagine. Hein. Ah bah oui. Alors au début, bah tu vois ça, tu dis qu'est-ce que c'est encore? Alors en plus moi qui ai fait pas mal de trailers de en 3D, j'ai dit bon, ça doit être un truc en 3D. Après j'ai vu qu'il y avait une main dedans, je dis oh putain, mais ça a l'air vrai. Et puis après c'est parti. Alors ça, on est en train de discuter avec El Rocco qui c'est lui qui a dit à peu près 10 secondes après la publication sur Twitter, ça a commencé par le PlayStation Allemagne qui a publié. Il dit putain, il y a les PS Move. Alors là les SMS fusaient de partout. Putain, mais si c'est bon, c'est bien vrai, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, déjà, je sais pas, moi, niveau look, moi, je trouve, bah, ça niveau plutôt, look, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est bizarre en fait. C'est des espèces d'arceaux comme ça où tu rentres ta main dedans et ensuite t'as la poignée de ton move qui me fait vraiment penser par contre au contrôleur qu'on trouve sur Oculus. Donc, oui, au niveau ouais, de la disposition des boutons, c'est exactement la même disposition. Sauf que là, ben justement, le fait d'avoir le poignet entouré de l'arceau, ben, au niveau de la sécurité, ça m'a l'air pas mal. Je pense qu'il y aura quand même des dragons, mais... Il y a des dragons. Moi j'aime bien en tout cas, parce que pour certains jeux où tu mets des patates par exemple, tu prendras beaucoup moins de risques justement à défoncer l'avant de tes contrôleurs sur un mur ou sur un enfant ou des trucs comme ça, donc non, c'est bien. Ouais. Ça c'est le premier truc qui m'a marqué quand j'ai vu ça. J'ai dit ça doit se casser facilement contre un mur, mais bon, on y fera attention parce que je pense que ça va être des bébés qui vont pas être donnés. Mais tu crois justement? Bah en fait, quand tu regardes un petit peu les contrôleurs justement d'Oculus avec l'espèce d'arceau qui est sur le devant, c'est, je trouve, c'est plus risqué. En tout cas, je les ai souvent éclatés contre ma bibliothèque. Ça dépend où tu tapes en fait. Je sais pas. C'est à l'usage, on verra bien, mais. Disons que ça t'englobe vraiment la main, cette forme-là, qui fait penser au logo Sony Ericsson, au passage. Ah ouais, dans un certain angle. Ouais, sous un certain angle. Et si tu viens, alors si t'as de la place, c'est pas un souci, mais si tu viens taper la paume de la main contre un mur, un peu fort, il y aura certainement de la casse, mais bon, ça c'est commun à tous les contrôleurs sur PC ou n'importe quoi. Il y a que les PS Move, ils sont blindés, ceux-là. On veut les casser depuis 4 ans, on n'y arrive pas. C'est ça, ouais, mais en même temps au prix que ça coûte de temps en temps. Et toi Seb, t'as regardé un petit peu à quoi ça ressemblait? Ouais carrément, et bah ça a de la gueule, enfin moi je les trouve vraiment vraiment stylés. Et ça fait énormément penser aux Oculus Touch, ça c'est clair. Ouais. Et je pense mine de rien que le fait que ça englobe la main comme ça, ça doit mieux répartir le poids aussi. Oui. Parce que les touches au final, le cercle est devant la main, donc ça pèse un peu devant et là. Même si c'est pas trop compris. Lourd non plus. Hein, Oui non, c'est pas trop lourd, mais du coup je pense que ça fera encore plus, ce sera encore plus lié à la main quoi. Ah puis un truc qu'on n'a pas dit, il y a des sticks. Il y a des, sticks sur des contrôleurs. Putain, ils font chier, on n'en voulait pas, des sticks analogiques, ça fait des drifts après. Ouais, ça fait des drifts, mais juste chez Sony, attention. Putain, ça m'a déçu qu'il y ait des sticks analogiques sur les nouveaux contrôleurs, putain, je suis déçu. Ouais. Ah, je suis sûr que tu aurais préféré un petit trackpad dégueulasse à la HTC. Non, non, moi j'aurais préféré 4 boutons, hein, avec une boule lumineuse. C'est vrai. Non, non, c'est pas vrai. Un peu trop nostalgie quand même. Hein. Ah non, non, non, mais les sticks, attends, dans Astro Playroom, ils se foutaient de notre gueule en disant, ouais, les mecs au PSVR, ils en peuvent plus, ils veulent des sticks, ils rêvent que de ça. Bah oui, c'est clair, on est content. Bah, rien qu'à maintenant, à la vue on des comprend sticks, mieux la vanne. Ça fait plaisir. Oui, maintenant, avec le recul, on comprend beaucoup de choses, en fait, qui étaient plutôt pas claires au début. Quoi. Ah bah non, bah non, ça c'est clair. Et qui faisait pas forcément très rire. Voilà, c'est ça. Un petit peu d'embrouillard. Donc, en fait, est-ce qu'on peut résumer le truc en disant que, pour le moment, ça ressemble à une DualSense coupée en deux, quoi. Parce qu'il y a deux boutons pour chaque Au niveau de la technologie embarquée, c'est tout à fait ça. Par contre, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur les Oculus Touch. Parce que ça, c'est super important. Justement, il n'y a pas ce principe d'arceau sur toutes les manettes VR. Par exemple, ben les celles du Valve Index n'en ont pas du tout. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, ces arceaux, ils sont pas là pour faire joli. Ils sont là parce qu'ils ont à l'intérieur toute une série de petites LED infrarouges. La caractéristique principale de la LED infrarouge, c'est qu'elle peut être cachée derrière un appareil parce que les caméras infrarouges voient à travers les choses, en fait, voient à travers les objets. Donc, en fait, ces petites LED, elles s'éclairent même pas, hein, elles sont éclairées, mais c'est pas de la lumière visible. Et une caméra infrarouge va être capable de traquer ces petites LED qui sont dessus, ce qui va permettre un tracking de meilleure qualité par rapport au PS Move qui n'avait qu'une seule boule à traquer. Là, c'est un cercle qui vont traquer. C'est pour ça que pendant un moment, moi, je pensais qu'ils allaient utiliser une technologie électromagnétique pour ces nouveaux PS Move. Là, la forme que ça a, pour moi, c'est clairement le même système que les Oculus Touch. Donc, c'est une technologie infrarouge. Mais ça pose un autre truc, c'est que la caméra PlayStation 5 n'a pas de caméra infrarouge. C'est deux optiques classiques, c'est deux caméras classiques, comme il y avait sur les anciennes caméras PlayStation. Mais contrairement à Kinect, quand on démonte une caméra PS5, il n'y a pas une troisième caméra cachée au milieu, infrarouge, qui pourrait capter ça. Ce qui veut dire que, déjà, et d'une, la caméra PS5, elle n'aura pas une grosse utilité dans l'usage du PSVR 2 et de ses contrôleurs. Elle sera vraiment axée sur du streaming et sur du YouTube entre copains. Et la deuxième chose, ça veut dire clairement, et ça c'est validé par Sony officiellement, c'est que c'est le casque qui aura la caméra infrarouge qui va traquer ses contrôleurs. Ouf, voilà. Enfin, ça c'est bien, parce que ça fonctionne quand même super bien, et oui, c'est le même système que le Quest. Exactement, ça va fonctionner exactement pareil. Donc l'avantage, eh ben, c'est que si on tourne la tête, eh ben, forcément, on tournera les bras en même temps, et on perdra jamais le contrôle de... On perdra jamais les contrôleurs comme c'était le cas avec une caméra. Donc ça, voilà, c'est un vrai tracking comme on disait avec Sébastien justement avant l'émission, c'est que le tracking quand tu passes justement du Rift S par exemple au PSVR, ce qui choque en premier, c'est vraiment le tracking du PSVR. Hein. Ah bah dès que tu lui tournes le dos, c'est la cata. Dès que tu tournes le dos à la caméra, c'est la catastrophe totale. Bah dès que tu vas trop à gauche, trop à droite, trop en bas, trop en haut. Et puis un autre truc qu'on a tendance à oublier, je citais ça comme exemple par exemple. Oui, ça fait deux fois exemple, c'est pas grave. Si tu joues dans ton canapé par exemple avec... Ah encore par exemple. Bah ouais, dis donc. Ça fait trois. T'as plus l'habitude, hein. T'es rouillé. méga combo, finishim. Bientôt le puissance 4. Si tu joues dans ton canapé avec une manette, voilà, un jeu posé, eh bien, faut pas oublier aussi que faut pas que tu te mettes à plus de 2 mètres de la caméra, sinon l'écran au final il est pas stable, il bouge, ça tremble parce que t'es trop loin. Arriver, ouais. Et ça, c'est un truc voilà, auquel on pense plus, pareil, quand tu as tendance à trop jouer avec ton casque sur VR sur PC. Mais ce que je voulais ajouter par rapport au nouveau contrôleur PlayStation, c'est que donc bon, bah déjà ils sont chouettes et il y aura enfin un système de tracking bien meilleur, donc ça se rapproche des touch et compagnie au niveau du tracking. Sauf que comme on l'a dit, il y aura aussi des fonctions de la DualSense de radio vibration haptique oui. aussi. Et puis, mais il y aura aussi un élément qui fait un peu partie du Valve Index, si je dis pas de bêtises, c'est un peu le comment dire, la reconnaissance des doigts. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, alors déjà, vous prenez une DualSense, vous y mettez un coup de hache au milieu. Mis à part le pavé tactile au centre, c'est toutes les fonctions de la DualSense sont dans ces deux contrôleurs en fait. Ce qui veut dire qu'il y a le déclencheur adaptatif qui va créer une force. Alors, l'exemple souvent utilisé, c'est le bandage d'un arc. Où plus ça va être difficile, plus la corde va être tendue et plus la gâchette sera dure à serrer. Donc ça, c'est vraiment le déclencheur adaptatif. Il y a également le retour haptique ou le retour de force qui va permettre de quand on tire, avoir des retours de gâchette sur une arme. Ou éventuellement, là c'est beaucoup plus fin, d'avoir des effets de texture. Alors ce qui est beaucoup utilisé, je crois que c'est dans Astro's Playroom, où à un moment il oui. pleut, il me semble, et on entend les cliquetis des gouttes de pluie qui tombent, et ça fait vibrer par endroits, on a l'impression que les gouttes tombent sur la manette. Les cliquetis, je connaissais pas ça, les cliquetis. Je savais pas comment dire, alors mignon, j'ai inventé le truc. C'est mignon en tout cas. Je trouvais qu'une goutte ça faisait clip, je disais ça fait cliquetis comme ça. Donc ça c'est le retour haptique ou le retour de force. Ensuite on a la détection du toucher des doigts. Alors là par contre, on avait vu passer une vidéo de alors c'était Yasuyuki Arimatsu et Hideki Mori. Hideki Mori, c'est celui qui était avec celui qui vient de nous présenter les PS Move, je ne sais plus son nom, qui travaille ensemble. C'est des ingénieurs de chez Sony qui avaient publié une vidéo avec un prototype chez Sony où justement ils s'amusaient à bouger les doigts comme ça dans tous les sens pour voir comment ça fonctionnait. Là, la petite déception, c'est vrai, c'est que la main en fait n'est pas solidarisée avec la manette comme ça peut être le cas sur une manette de Valve Index. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas ouvrir en grand les mains. Si on fait ça, le contrôleur, il se casse la figure. Il n'y a pas de sangle, en fait. Il n'y a pas de sangle qui maintienne la main. L'autre différence par rapport au Valve Index, c'est qu'on est dans le même type de capteur dans la manette, donc ce qui est déjà un point fort, sauf que sur un Valve Index, c'est les 4 doigts plus le pouce, les 5 doigts de la main qui sont repérés. Ici, dans ce cas-là, on n'aura que 3 doigts. On aura les 2 doigts, les 2 petits doigts qui vont servir à tenir la manette, et on aura le pouce. Vous voulez pas un whisky d'abord? Le pouce, l'index et le majeur, qui eux seront traqués à la manière des index. Donc, faut voir au niveau du gameplay à quoi ça va servir, mais bon, il y a déjà cette fonctionnalité-là. Ça va permettre, par exemple, parce que du coup, la manette détecte ton doigt avant même que tu aies touché la manette, et elle définit la distance à laquelle ton doigt est de la manette. Donc ça peut être intéressant sur certains gameplays, il faut voir comment ça va être, ce que les développeurs vont en faire. Donc ça, c'est les 3 trucs. Par contre, pour se faire pardonner d'avoir 2 doigts en moins que Valve, ils nous ont rajouté quand même ce déclencheur adaptatif et ce retour de force qui n'est sur aucune manette du marché pour l'instant. Donc globalement, moi, je sur le papier, hein, parce que on les a pas eu en main, on sait pas quoi ça ressemble, on sait pas ce que ça va donner, mais sur le papier, je dirais que elles font partie du haut du panier avec les manettes Valve Index, clairement, parce qu'en fonctionnalité, elles cassent tout, quoi. Elles ont le stick, elles ont les boutons, elles ouais. ont le retour de force, elles ont toutes les fonctions qu'on aurait pu rêver. Pour qu'elles soient parfaites, il faudrait que les 5 doigts soient traqués et qu'elles soient bloquées par une sangle dessus pour pas les faire tomber au sol quand on ouvre la main en grand. Mais bon, franchement, par rapport à ce qu'on a eu et ce qu'ils nous proposent là, c'est l'idéal, quoi. C'est le jour et la nuit, c'est clair. Bah ouais, c'est sûr que passer des cônes Miko à ça, c'est à mon avis, ça va être une sacrée claque. Et après, le fait que tous les 5 doigts soient pas forcément et pas forcément cette reconnaissance là, est-ce que ça va vraiment être un problème? Parce que comme tu disais tout à l'heure, il faut déjà voir en fait avec ce qui va être proposé par la manette, ce qui va être utilisé concrètement par les développeurs. Par exemple, la DualSense, les premiers retours qu'il y a eu sur cette manette là, c'est que c'est T'as des sensations qui sont quand même assez incroyables et assez assez innovantes et voilà, c'est assez saisissant quand manette en main. Mais tous les développeurs, normalement les développeurs tiers, ne savent pas encore tout à fait l'utiliser correctement. Ouais. Donc je suis pas trop déçu justement, moi qui ai pas voilà, je pense pas que ce soit vraiment un défaut qui ait pas tous les doigts qui ait cette même technologie de reconnaissance. faut déjà en tout cas que ces moves-là soient déjà bien utilisés quoi, par les développeurs. C'est que ce soit pertinent. Trois doigts, toi. C'est déjà pas mal. Ouais, je pense. Hein. Et donc, par contre, on disait tout à l'heure que ça ressemblait aux Oculus Touch au niveau des fonctions de boutons. Et, des placements de boutons. Des placements de boutons, même du nombre des boutons aussi également. Oui. C'est peut-être même un avantage si des fois il y a un partenariat d'échange de licences entre Oculus et Sony, ça peut arriver. Du coup, bah, les jeux seront parfaitement compatibles. Enfin, il n'y aura pas à retravailler en fonction des contrôleurs. Avec Oculus et puis même avec le PC VR en règle générale, parce que les moves Oculus fonctionnent aussi avec Steam et sont adaptés à la majorité des jeux sur PC. Fonctionnent très très bien. C'est un ça. Standard en fait. C'est justement ça où il faut insister là-dessus, c'est que depuis que maintenant ils ont tous signé une charte OpenXR qui définit des normes sur le marché de la réalité virtuelle, ce qui veut dire qu'en fait un jeu qui sera développé sous OpenXR, ce qui est le cas maintenant de Unity ou de Unreal Engine, pourra parfaitement fonctionner aussi bien sur un PSVR que sur un PSVR 2, que sur un Quest, que sur n'importe quel autre casque qui sera dans cette norme. Donc si en plus les contrôleurs ont à peu près le même nombre de boutons et le même nombre de fonctions, disons qu'un jeu va être très facilement portable sur tous les supports, et rapidement surtout, et ça évitera peut-être d'avoir des jeux qui sortent 2 ans sur PC et puis qui arrivent sur PSVR très très tard après. Ça sera moins compliqué quoi. Il n'y a plus le problème de puissance, il n'y aura plus le problème d'adapter justement les contrôles à une nouvelle forme de manette. Donc voilà. Effectivement, ça va faire gagner du temps incroyable quoi. Il n'y aura plus que les contrats maintenant d'exclusivité qui vont faire chier encore un petit peu, je pense. Voilà. Oui, bah ça après c'est. Par contre, ça nous fait découvrir 2 nouvelles choses. ces contrôleurs, donc ça nous fait revenir sur ce qu'on avait déjà dit. Là moi du coup j'oublie le PSVR 2 standalone avec le catalogue PSVR accessible, tout simplement parce qu'ils vont pas s'amuser à faire un casque standalone avec ces manettes là et il va falloir retravailler tous les jeux PSVR pour qu'ils fonctionnent, tous les jeux qui avaient été pensés avec des PS Move qui certains fonctionnaient avec carrément les 8 boutons. Je pense au dernier Jupiter Grade où c'est qu'on a vraiment besoin de tous les boutons. Avec une manette comme ça, ça serait plus compliqué et surtout ça imposerait aux développeurs de revenir sur leur jeu pour qu'il soit compatible. Alors si je peux me permettre, oui et non en fait, parce que si c'est des jeux qui existent déjà sur d'autres plateformes comme Steam et d'autres casques comme Jupiter Grade d'ailleurs, oui. Bah voilà, ils ont juste à réadapter du coup, je pense, le gameplay, par exemple, de la version Oculus. C'est ce qui m'inquiétait, parce qu'au final, est-ce qu'ils vont le faire ? Je ne suis pas sûr que, tu sais, avec le 3D Rudder, il y en avait, on leur offrait sur un plateau, c'est le cas de le dire, le 3D Rudder, et les mecs, ils ne cherchaient même pas à le mettre à jour, ils n'en avaient rien à faire en fait. Ça va dépendre de la facilité avec laquelle ils pourront mettre à jour. Est-ce que Sony va les aider pour pouvoir faire ça facilement? Et puis autre truc, c'est que le 3D Rudder, c'est un device qui est pas de Sony, alors que les contrôleurs là du PSVR2, ça va être sur tous les casques PSVR2, tu vois. C'est pas juste un truc satellite. Il faut voir s'ils peuvent importer dans le logiciel les commandes par exemple d'un Oculus et les exporter facilement dans la version PSVR2. Très rapidement pour mettre à jour rapidement, mais ça fait quand même tu vois, moi au début j'aurais dit il y aurait eu 4 boutons, il n'y avait rien à faire en fait, les jeux ils étaient d'office là il y en a que 2. Mais il y a 4 boutons justement pour pallier au manque de stick sur le PS Move, tandis que là tes contrôles justement aux boutons que tu as sur Skyrim par exemple, et bah finalement plus que Skyrim c'est un bon exemple parce que tu peux y jouer à la manette. À mon avis, le changement et l'adaptation sur les nouveaux contrôleurs d'un Skyrim, si tu repars justement du tracking de mouvement de la manette et du stick de la manette. Ça te demande de revenir sur le jeu. Moi, c'était plutôt l'idée, soit on revient pas du tout sur les jeux et tu sais tout de suite que ça marche, ou au choix, certains reviennent. Là, ça t'oblige à revenir sur tous les jeux, en fait. Ah, c'est de l'input. Il y a des jeux. Ça, ouais, voilà ce que j'allais dire. T'as des jeux sur Steam. Ça arrive souvent, en fait. Un nouveau casque sort. Et du coup, hop, ils te rajoutent les jeux compatibles avec tel casque, tel machin. Enfin, la compatibilité se rajoute comme ça sur les jeux. Et donc, je pense effectivement que c'est une histoire d'input. Donc, alors, ça, après, c'est sûr qu'un studio de développement qui maîtrise le truc et qui a envie de voir son jeu arriver sur le PSVR 2. Ça, c'est une modif qui va lui prendre peut-être 2 heures avant que ce soit bouclé, même avant, quoi. Mais bon, après, l'autre point sur ce sujet-là, c'est que justement, vu que ces contrôleurs-là, j'ai bouffé ce que je voulais dire encore une fois. ça m'arrive souvent. Justement, ces contrôleurs-là, vu qu'ils... non, je sais pas, enchaîner. Ouais. Bon, bah, merci. Ça va me revenir. Bah, après, voilà, pour le moment, tout ce qu'on sait sur ces nouveaux moves, on vous l'a déjà présenté. On attend vraiment de les avoir en main, justement, pour savoir si. J'allais dire si ça amène une valeur ajoutée par rapport au PS Move actuel. Forcément, oui, il faut arrêter d'être. Voilà, il n'y a pas photo. C'est le jour et la nuit, là. On prenait des moves qui dataient de la PS3 et qu'on savait pas quoi en foutre pour que ce soit efficace au niveau des mouvements, même s'il y a quand même pas mal de développeurs qui ont réussi à faire des trucs assez, assez dingues. Oui, forcément, ça va être une tuerie, quoi. Bah, ergonomiquement, ce sera autre chose. Il se recharge en USB-C, comme la DualSense, donc recharge rapide. Oui. Et y a ça, autre c'est bien aussi. Et il y a autre chose qui m'a frappé. Alors, ça, c'est pas nouveau si vous d'ailleurs, allez, parce que les touchs. Ouais, non, ça... Les touchs, c'était des piles, pardon. Oui. Je tenais juste à préciser. Oui, les Oculus Touch, c'est avec des piles rechargeables si tu aimes l'écologie, et puis des piles de gros sagouin si tu aimes Xbox. Et voilà. Alors, il y a autre chose qui m'a frappé, c'est que c'était si vous regardez bien ces contrôleurs, en fait, ils sont en deux couleurs. Ils sont bien bicolores. Ils sont noirs et gris anthracite, quand tu regardes de près les détails. Et c'est étonnant qu'ils aient pas fait, justement, des contrôleurs blancs et noirs pour calquer au look de la PS5. Ce qui me fait dire aussi que peut-être que le casque prochain PSVR 2 ne sera pas blanc et noir comme la PS5, mais sera peut-être plus dans ces tons-là, gris anthracite et noir. Et autre chose, que cette sobriété, ils vont peut-être s'en servir pour d'autres casques, et ça ferait revenir sur l'hypothèse d'un second casque dans la gamme Sony qui pourrait réutiliser ces appareils. J'ai trouvé bizarre qu'il ne soit pas blanc et noir, alors qu'on a une console blanche et noire qui est quand même très marquée, et que c'est en plus les contrôleurs de la PS5 pour le casque VR de la PS5. C'est une piste intéressante, mais en même temps, la PS4 de base, elle était noire, le PSVR, il est blanc, bleu. Oui, mais la PS4 était sortie à jamais. En fait, le PSVR est arrivé après, comme un nouveau produit, bien après la sortie de la PS4. Oui, comme le PSVR 2 et la PS5. C'est quand même annoncé comme le système VR de la PS5. Ouais, Seb. Ouais, j'allais dire peut-être justement qu'ils n'allaient pas se cantonner à la PS5, ils allaient ouvrir un peu leur casque à d'autres plateformes aussi, mais je sais pas. Oh, imagine, tu peux le brancher sur ton PC. Imagine, ce serait génial. Imagine le PSVR 2 wireless, un petit peu comme le Quest 2, et puis tu le branches sur ta PS5 si tu veux tes gros jeux PS5, tu le branches sur ton PC si tu veux. Voilà, mon Rift S là, Facebook, il part en orbite. Ce serait l'idéal, parce que pour un utilisateur qui a un PC et une console, il a plus qu'un seul casque, donc c'est vachement bien. Bah ouais, voilà. Oh, Sony, ils font ça et ils niquent tout. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est la grosse question, est-ce qu'ils le feront? Je suis pas sûr. J'aimerais. J'aimerais bien aussi, parce que de leur côté, ça ouvrirait tellement de portes pour la vente, parce qu'ils seraient dispo surtout, en fait. Mais d'un autre surtout côté, que... ils déclareraient la guerre à Facebook, plus la guerre avec Microsoft, plus ça ferait beaucoup de monde qui voudrait les buter, qui voudrait les démolir. Il ne faut pas oublier que Sony, c'est pas un GAFAM, donc est-ce qu'ils vont se frotter à tout ça? Je sais pas. C'est possible, parce qu'ils commencent à exporter leur franchise, leur exclu sur PC. Oui. Et pourquoi pas le faire aussi avec des exclus VR? Et du coup, tu pourrais jouer du coup avec ton PSVR 2 sur PC par exemple aussi. Ben, il s'ouvre de plus en plus, donc c'est vrai. Pour moi, rien n'est impossible, mais... C'est vrai. Bah, après, c'est vrai. Après le tout, il faut qu'ils aient accès à Steam, parce que de toute façon, l'accès à Epic Store, faut pas rêver. Ou Epic Game Store, parce voilà. qu'il me semble que... Epic Game Store, c'est très probable, par contre. Ouais, mais Horizon Zero Dawn, tout ça, ils sont sortis sur Steam, non? Enfin, les exclus. Ils sont, bah ça, ils vois, sont pas encore pas sortis, sûr. Je crois, si. Il me semble pas qu'ils soient sortis encore. Il est sorti sur PC, hein, déjà, si. Ah oui? Ouais, mais sur Epic. Sur Epic. Sur Epic. C'est Epic? Ah, je sais plus. Ouais, c'est peut-être Epic. Ah, donc il y aura peut-être quelque chose avec Epic, ouais, c'est possible. Et non, mais c'est aussi sur Steam, effectivement. C'est aussi sur Steam. C'est aussi sur Steam, ouais, Death Stranding, tout ça. Parce que le Reverb G2, par exemple, il n'est pas compatible avec l'Oculus Store. Non, Death Stranding, je crois que c'est une exclu temporaire. Bah, de toute façon, Epic. L'Oculus Store, t'as que les casques Oculus c'est qui ça, sont compatibles. Ouais. Les autres, enfin, tu peux contourner via un logiciel qui a été fait, mais sinon, officiellement, à la base, tu peux utiliser que les casques Oculus sur le Store. Ouais, donc l'intérêt de ce PSVR 2 avec ses manettes, ce serait bien qu'il puisse déjà donner l'accès à l'Epic Store et à Steam. Ce serait déjà bien, quoi. Parce que, de toute façon, la VR sur PC, c'est surtout Steam. Hein. Ils vont pas balancer le catalogue PSVR sur PC, ça, c'est pas possible. Mais tu disais, Seb ? Non, je disais que, de toute façon, la VR sur PC, la VR multicasque, entre guillemets, c'était Steam, la plateforme principale, parce qu'Epic, il n'y a pas tant de jeux VR que ça. Il n'y a pas grand-chose du tout, même. Bah, j'en connais un, Subnautica, c'est bah... Il y a Subnautica, il y a Tetris Effect, il y a Elite Dangerous, mais en dehors de ça, enfin, il y a peut-être un ou deux en plus, mais c'est tout. Mmh. Et c'est vrai que c'est surtout Steam qui regroupe qui est une plateforme multicasque, parce qu'après Oculus, bah, c'est Oculus, comme on l'a dit, et les autres font pas trop de VR. Mmh. Puis là, t'as la plateforme Vive, je sais plus quoi, mais c'est pour Vive, justement. Mmh. Donc c'est encore autre chose. Non, pas Vive, pardon, HTC. Si, HTC. je mélange les pinceaux. Oui, enfin, ouais, c'est des plateformes mineures, quand même, à côté de Steam. Oui, voilà, c'est plus mineur, ouais. C'est pour ça, je me dis, Steam, pourquoi pas. PlayStation VR 2 sur Steam, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Voilà. Bon, autre chose à rajouter sur cette grande annonce, quand même. Ben, non, savoir qu'il y a... Ouais, ça fait plaisir. On récupère, on récupère tous les boutons, hein. Il n'en manque aucun. Le L1, R1, ils sont bien là. Les deux, les croix X, carré, rond, ici sont aussi, triangle. Les deux boutons et option et share, ils y sont aussi. Les deux sticks, non, en gros, plus la dragon. Il manque le track. La dragon, manque le trackpad. Il manque le... Le trackpad. Oui, en fait, c'est un truc que je regrette. sur les contrôleurs WMR, tu avais les sticks, tous les boutons qui vont bien, et un petit trackpad aussi qui était pas trop mal foutu d'ailleurs, et qui manque un petit peu quand, sur certains, surtout vieux jeux Steam. Je me rappelle des propos de Spank sur ce trackpad qui disait que c'était une vraie merde. Non, mais c'est un con, Spank. Et qui préférait les sticks. Dédicace. Et voilà. On en avait parlé sur Skyrim, il me semble. Si tu nous écoutes, Spanks. effectivement, c'est pas super idéal parce que pour les vieux jeux qui prenaient justement pas en charge les sticks et qui étaient surtout adaptés à des contrôles des vieux HTC Vive qui avaient pas de stick non plus et qui ont peut-être même plus. Enfin, je connais même pas les contrôleurs des HTC Vive maintenant. Mais voilà, t'étais obligé quand même de faire les déplacements avec ton petit trackpad. Et des fois, ça manque justement sur les contrôleurs Oculus. Et c'est un petit peu dommage, je trouve qu'ils aient pas rajouté ça. Ça aurait pu aussi apporter des petites idées de gameplay sur des jeux first party de Sony, de rajouter ça. Surtout que le DualSense en a. Oui, c'est vrai. Donc c'est le seul petit regret que j'ai, voilà. Même si c'est gadget, même si ça aurait augmenté encore le prix, j'imagine, des contrôleurs, c'est un petit peu dommage qu'ils aient fait ça. J'ai jamais testé cette technologie, donc personnellement, ouais. Je peux pas me prononcer là-dessus. Mais... Okay. Après, on peut aussi, pour finir, parler du prix. Parce que ces petits cocos, on sait que la DualSense, elle coûte déjà 70 balles. Là, on a vraiment la même chose à l'intérieur de ces deux contrôleurs. Donc, tu coupes ta DualSense en deux, tu es déjà à 70 balles. Mais il faut rajouter tout le plastique parce qu'ils sont pas, ils sont symétriques, les deux. Ils sont pas identiques. Les PS Move, tu avais un panier de PS Move, tu en prenais deux au hasard, tu étais sûr de tomber sur une paire. Là, c'est deux moules différents qui augmentent le prix de fabrication. Donc, au final, c'est, à mon avis, c'est des contrôleurs qui vont taper au moins les deux, hein, qui vont taper au moins entre 100 et voire 120, peut-être même 150 euros, 149 euros, tout un peu comme ça. Tout ça n'est qu'une supposition. De quoi ? Ou 90. Tout ça n'est qu'une supposition. Non. On n'a aucune... Ah ouais, mais ils ne peuvent pas vendre ça. Vu que la DualSense est à 69,99, ce n'est pas possible qu'on soit à 79, par exemple. Non, non, je ne dis pas que tu as tort, Laurent. Je dis juste que voilà, faut faire pour les auditeurs, attention, ça, on n'en sait rien pour le moment. C'est juste une supposition. Voilà. Donc, ouais, Seb, tu veux dire 195 francs. Donc, non, moi, je dirais... Donc, en fait, c'était pour une imitation de Bellemare, d'accord. Tout ça, c'était pour parler d'un autre débat sur ce sujet. C'est justement que ces contrôleurs vont avoir un coût. Donc forcément, on pourrait les acheter à l'unité parce que ça va arriver qu'il va y avoir des gens qui vont le casser. Donc comme les PS Move, on pourrait les acheter à part. Mais est-ce qu'ils vont cette fois prévoir un pack avec le PSVR 2 plus les deux contrôleurs, vu qu'il n'y a plus besoin de caméra cette fois, donc un pack complet comme l'Oculus Quest? Et surtout, à quel prix? Parce que s'il y a déjà, mettons, 100€ de contrôleur dans la boîte et qu'ils veulent tirer les prix au maximum sur ce PSVR, si par exemple le pack est à 399 voire 499€, 499€ avec les deux contrôleurs et 399 sans les deux contrôleurs, quels choix vont... Est-ce que Sony va refaire le même choix qu'ils avaient fait pour le PSVR au final de vendre un casque 399€, puis à côté il faut rajouter 80 balles de PS Move, puis il faut rajouter 50 balles de caméra, et au final se retrouver avec un bébé qui coûtait pas 399€. Ça serait une connerie sans nom, selon moi. Maintenant, le modèle qu'il y a sur PC qui fonctionne et qui est la norme, t'achètes ton casque, tu prends tes contrôleurs avec. De toute façon, c'est complètement absurde, et ça serait pour Sony, à mon avis, de se tirer une balle dans le pied, de proposer un casque sans contrôleur. Parce qu'il va y avoir encore une dichotomie entre les joueurs qui ont des contrôleurs de mouvement, donc les Move, ceux qui n'ont que la DualSense. Au niveau des développeurs, ça va être encore le bordel de devoir adapter leur jeu soit à la manette, soit avec les contrôleurs. Non, ça faut uniformiser un petit peu tout ça. Depuis le PSVR, il n'y a aucun casque qui a été vendu sans manette. Enfin... C'est ça. Oui, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes sur PC. PC, c'est un autre monde, hein. Ça n'a rien à voir avec le marché console. La VR, c'est un peu le même monde, hein, parce que finalement, tu parles de casque de Move. Je ne suis pas d'accord, vous n'avez pas le monopole de la vérité. Je tape sur la table, je ne suis pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord. Non, mais après, tu parles de casse de Move. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je pense pas que les constructeurs partent dans cette optique-là qui vendent leur matériel à des gros bourrins, quoi. Quand tu regardes, par exemple, Oculus, tu prends le casque, t'as les contrôleurs avec. Si t'es à peu près soigneux, si t'es pas un homme des cavernes, normalement, tu les gardes longtemps, quoi. La technologie, elle est fiable. Oui, mais je veux dire, tu arrives à les trouver si tu les pètes, tu peux aller sur le site du constructeur pour t'en reprendre. Ouais, mais c'est pas pour ça que justement ils doivent vendre le casque à part des Move. Oui, mais alors le problème, c'est que sur PC, on te vend un casque 650€, ça va choquer personne. Il faut même voir que le Valve Index, ils le vendent 1000 balles et ça choque personne. Sur une console, s'ils te vendent un casque 550 ou 599€, tu vas faire un bide. Donc, c'est sûr que ça fera un bide. Pas sûr. Ah, si. Le Quest 2 est à 350 avec. Oui, mais il est vendu à perte, le Quest 2. Oui, mais le Rift S était à 400 avec les touch. Lui, il n'était pas vendu à perte. Ouais. Donc après, faut voir si. Disons que s'il tape le même prix que la PS5, déjà ça va gueuler. À 499 avec les deux manettes. S'ils sont un petit peu en dessous, 449, faut voir avec les deux manettes, faut voir, ça va tourner autour de ça, quoi. Ce qui m'inquiète, c'est que si par exemple le coût de fabrication, ils sont sur 449€ par exemple, tu enlèves le coût des deux manettes parce que ça a un coût. Derrière, qu'est-ce qui reste sur le casque? Donc le light tracking, faut oublier. Le système autonome, faut oublier aussi. Et donc tu restes avec un casque filaire un peu comme un Reverb G2 avec deux manettes, en fait. Ouais. Nous verrons cela en tout cas, vu que les annonces s'égrènent un petit peu au gré des semaines qui passent en ce moment, au moins on peut pas enlever à Sony leur envie de nous donner notre bonne humeur en ce moment, cette période un petit peu difficile et dégueulasse. On peut leur dire merci pour ça, c'est cool. Donc je pense qu'on aura des news qui vont s'égrener un petit peu au fur et à mesure que le temps va passer. et qu'on en saura bien plus, je pense, dans quelques temps au sujet de ces moves, et puis pourquoi pas, peut-être un petit visuel du PSVR 2, ça ferait plaisir. En mois de juin pour le 3. Ça ferait plaisir. Ça serait vraiment bien. En tout cas, au moins des infos techniques, à défaut d'avoir un visuel. Mais... Et voilà, tout à fait. Au moins, voilà déjà Ils l'ont officiellement annoncé, hein, qu'ils allaient lâcher des infos cette année. Ouais. Donc, bon, en tout cas, on sera là. On sera au taquet. Laurent, notre cochon truffier de l'info, sera là pour décoter toutes les petites news. Et donc vous en parlez sur VR for Player. Ensuite, on va parler encore, voilà, Sony grand seigneur. On va croire qu'on est sponsorisé par Sony, mais absolument pas. C'est juste qu'en ce moment, bah, ils nous font bien plaisir, notamment avec l'annonce du Play at Home. C'est-à-dire que pour aider les gens comme Sébastien qui viennent d'apprendre qu'ils vont être confinés pendant encore un mois, Sébastien, désolé, ils ont décidé d'offrir à tous les joueurs PlayStation, qu'ils soient abonnés au PS Plus ou non, 10 jeux, même 11 jeux qui vont être dispo à partir de maintenant d'ailleurs. C'est déjà le cas. Voilà. Ouais. Qui est dispo, donc arrêtez le podcast, éteignez tout ça, et puis allumez votre PS4 ou votre PS5 pour le récupérer. Et puis non, je déconne, hein, faut écouter jusqu'au bout, en plus il y aura une surprise à la fin. Ou pas. Et donc voilà, alors qu'est-ce qui va être proposé du coup pour ce Play at Home? Déjà actuellement, depuis le 2 mars jusqu'au 1er avril, il y a Ratchet & Clank sur PS4. Alors ceux qui ne l'ont jamais fait, ben faites-le. Il est extra. Même si vous avez plus de 10 ans. Ah, mais carrément, oui, c'est il est super ce jeu. Enfin, ouais, je suis né en 75, bah, j'adore. Voilà. mes enfants détestent, mais moi j'adore. Voilà, c'est ça. Ouais, ils préfèrent jouer à GTA et à Call of. Donc, profitez-en, plus que 15 jours pour le récupérer si vous ne l'avez jamais fait. Surtout que c'est, si vous avez l'intention de jouer au suivant Ratchet & Clank sur PS5, c'est un peu pour ça aussi qu'il est dans l'eau. Faut pas se mentir, hein, c'est pour donner à un maximum de gens qui n'ont pas eu la chance de l'essayer, de connaître le jeu pour après avoir envie de prendre la suite. Voilà. Et c'est le fonctionnement comme ça sur quasiment tous les jeux, si tu regardes bien. Donc ça, c'est celui qui est en ce moment disponible. Et ensuite, la deuxième vague, c'est à partir du 26 mars. Le 26 mars, là, il y a une série de jeux plats, dont Abzu, je ne sais pas comment Abzu. Ça se dit, Abzu. Abzu, donc c'est un jeu d'aventure sous-marine. C'est pareil, il est offert. Il y a Enter the Gungeon. Alors juste, Abzu, je l'ai fait, c'est pour vous donner une idée, c'est Journey, mais à la plage, enfin à la mer. D'accord. Voilà. Je crois que c'est des anciens développeurs justement qui ont bossé sur Journey qui ont fait ça. Ce jeu-là. Et ça se termine en deux bonnes heures, comme Journey. Flower, voilà, et Flow. Et c'est un super jeu, j'adore. En fait, c'est vraiment le genre de jeu que tu te refais une fois par an, qui est sympa et qui est très beau. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a Enter the Gungeon. Donc, ça, c'est un petit jeu 2D de plateforme classique. Ça a besoin d'équipe, je crois. Je sais pas, j'ai pas plus regardé les jeux plats. Tu peux faire des donjons à 4, je crois, ou plusieurs comme ça en coop, il me semble. Subnautica, donc celui-là, en VR, il aurait bien cartonné, quoi. ma plus grosse trouille en VR, c'est Subnautica. Voilà, j'annonce. J'ai jamais autant chié dans mon froc que sur ce jeu-là. Phobie des fonds marins, tu te retrouves devant une bestiole qui fait 25 fois ta taille en face de toi, qui t'arrive par en dessous. Qui veut te bouffer. J'en peux plus. J'en peux plus. Je syncope. Il faut préciser qu'il n'est pas en VR sur PlayStation. Oui, sur PlayStation. Il n'est pas en VR sur PlayStation. PC uniquement. C'est mais ça. Peut-être que. Hein, alors, PSVR 2, alors est-ce que on en revient à cette logique de montrer Ratchet & Clank, peut-être pour faire connaître un peu Subnautica, pourquoi pas, pour quand il arrivera sur PSVR 2, pourquoi pas. Ça serait bien. Ensuite, il y a The Witness, donc c'est un petit monde ouvert. Alors, je sais pas non plus ce que c'est. C'est un énorme jeu d'énigmes qui te retourne le cerveau. Apparemment, il y a 500 énigmes à résoudre dedans. C'est une torture des méninges, ce jeu. Il est super. Il est vraiment super. Et enfin, toujours en jeu plat, à partir du 19 avril, Horizon Zero Dawn qui sera offert. Par contre, c'est la Complete Edition avec tous les DLC et tout le bazar, quoi. Donc là encore, c'est pareil. On sait qu'il y a Horizon 2 qui déboule sur la PS5. Donc c'est du teasing de la suite. On t'offre le premier Horizon pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis comme ça, derrière, quand ils auront fini, ils vont dire « Il est trop bien ce jeu, je veux une PS5 pour faire la suite. » C'est ça. Mais bon, c'est offert. Donc on ne va pas cracher dessus. Et c'est très très bien. 60 heures de durée de vie et super monde ouvert qui est une très bonne histoire et qui a une héroïne sympa. Et voilà. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Et donc, ensuite, on revient au 26 mars, parce que là, on passe à la partie VR. Donc, sur les 11 jeux, on vient de voir qu'il y avait déjà 6 jeux en plat qui étaient offerts. Et là, maintenant, version VR. Alors là, ils ont sorti le gros paquet, quoi. Astrobot Rescue Mission, donc certainement l'un ou le meilleur jeu du catalogue PSVR depuis sa sortie. Après Hitman 3. Oh, non. Non. Quoi, je dérange, c'est ça? Non. Alors, on lui avait mis 9,5 sur 10, Astrobot. Bon, moi, c'est un jeu que je suis resté scotché devant, quoi. J'ai un truc de dingue. Donc, celui-là, encore une fois, c'est là où on en parlait tout à l'heure. Pourquoi offrir Astrobot Rescue Mission, encore une fois? Peut-être parce que pour le PSVR 2, il va y avoir une suite. Et pourquoi pas Astro's Playroom? Vu qu'on a vu que la manette, c'était juste une DualSense qui était divisée par deux avec les mêmes fonctions. Vu qu'à la tête, c'est quand même Asobi avec Nicolas Doucet qui connaissent très bien la VR et qui ont certainement pensé à Astro's Playroom en VR en même temps qu'ils le développaient en plat. Donc en fait, pour moi, c'est encore une façon de faire connaître le petit personnage d'Astrobot à tout le monde, même ceux qui se le sont jamais payés, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un PSVR, mais qui au final ont un jeu ou deux, et en plus les PSVR restent enfermés dans des placards ou des tiroirs parce qu'ils y jouent jamais. Là, c'est l'occasion de ressortir les PSVR, et c'est pas pour rien qu'il y a ces 5 jeux offerts, c'est justement pour faire ressortir les PSVR et pour commencer vraiment à communiquer sur la VR. À mon avis, c'est... Mais pour Astrobot, peut-être que ils vont faire un Rescue Mission 2 aussi, peut-être. Le jeu qui est disponible en plat sur PS5, intégré à la PS5, peut-être que c'est pour faire découvrir le personnage ou à ceux qui ne jouent pas en VR justement aussi, pour ensuite créer un attachement pour qu'ils fassent le pas de continuer l'aventure en VR ou je sais pas. C'est un bon chausse-pied, hein. C'est un très bon chausse-pied. Hein. Ouais. Ouais, voilà, ouais. En tout cas, ouais. Je vais raconter ma vie un petit peu. Je l'ai pas dit encore parce que je suis un petit peu honteux, mais ça y est, je fais partie officiellement du monde des pigeons. J'ai racheté la PS4 Pro de Steph, vu que lui il a récupéré sa PS5. Et donc du coup voilà, j'ai passé le pas et du coup je me refais plein de jeux comme ça, notamment, enfin surtout du PSVR, pour voir la différence, parce que en plat j'ai pas vu encore vraiment de grosse révolution entre la PS4 et la PS4 Pro sur les jeux que j'ai testés, mais voilà, sur PSVR par contre tu vois bien la différence. Et j'ai réessayé justement Astrobot après avoir fait justement des jeux comme VenVR sur PC, et là que tu te rends compte vraiment que de la maîtrise de ce jeu là et que il a vraiment pas volé sa première place dans les jeux PSVR, vraiment pas. J'ai juste toujours un problème avec la musique de merde qu'il y a dedans, mais mis à part ça, parce que les musiques sont vraiment horribles dans ce jeu-là. Elles sont horribles. Moi, ça me choque pas, c'est du Mario. Insulte pas Mario, s'il te plaît. Non, les musiques d'Astrobot, je suis désolé, elles sont complètement hors de propos. Elles sont pas bien, je déteste les musiques. Mais mis à part ça, au niveau de l'ambiance, et voilà, j'ai refait plusieurs niveaux, presque la moitié d'ailleurs, et c'est vraiment une tuerie, une maîtrise totale d'ambiance, de sensations, de gameplay précis. Voilà, Astrobot, j'adore quoi. Tu te rends vraiment compte que c'est un jeu de génie en fait, ce jeu. Ensuite, on a Moss, et Moss, sans transition. Encore une fois. Oui, mais ben Moss, ensuite, 9 sur 10, ouais. On lui avait mis un jeu exceptionnel. Alors, ce qui est rigolo aussi avec Moss, c'est encore une fois que Polyarc, qui développe le jeu, avait terminé le jeu en finissant le livre 1. Et on a toujours attendu ce livre 2 sur PSVR, ce qui veut dire que il y a de très grandes chances que Moss 2 soit annoncé sur le PSVR 2, parce qu'en plus, il y avait eu des fuites comme quoi Polyarc travaillait déjà depuis quelques années sur Moss 2. Encore une fois, ce serait un moyen de teaser. On sait qu'en 2021, on n'aura pas de nouveaux casques, on n'aura pas beaucoup de jeux en PSVR. Par contre, ça va peut-être être une année de transition où ce sera peut-être le moment de redécouvrir certains jeux, justement pour voir ce pour découvrir leur suite sur le PSVR 2. Donc, je trouve aussi que ce MOS en plein milieu, il n'est pas anodin. Un super jeu aussi. De toute façon, ils sont tous super. Hein. Donc, ensuite, on a Paper Beast d'Eric Chahi. Donc là, on vous avait proposé des interviews, des reportages sur Eric Chahi. C'est un jeu qu'on avait noté 8 sur 10. Alors, Saï, je te laisse parler de Paper Beast. J'adore ce jeu. Mais moi aussi, j'ai trouvé génial. Hein. J'aime beaucoup Eric Chahi. C'est un gars qui est super gentil. Et j'aime beaucoup Paper Beast. Je l'ai fini deux fois, l'aventure solo. Je l'ai fini une première fois sur PS4 et puis je l'ai terminé parce que je l'ai repris sur PC et je l'ai refini à 100% sur PC avec donc son univers onirique complètement décalé avec ses créatures vivantes et cohérentes et crédibles, cette espèce d'écosystème qui suffit à lui-même en fait, que tu sois dans cet univers là ou que tu n'y sois pas, en fait c'est la vie continue. C'est une expérience assez incroyable, un jeu qui n'est pas extrêmement long, je crois que tu le termines en 4-5 heures peu près. Pas très long. Mais qui a une proposition au niveau de ses mécaniques, ses mécaniques physiques, ses environnementales et comportementales des créatures qu'il y a dedans, qui est juste du jamais vu en fait. Dans aucun jeu vidéo, que ce soit en plat ou en VR, c'est jamais vu. C'est, au niveau du gameplay, tout ça, c'est complètement autre chose. T'as une cohérence dans cet univers-là, et c'est un super jeu, et donc le redécouvrir est jouable en plat aussi, maintenant. Et la version qui va être proposée là, donc tu peux y jouer en VR et tu peux y jouer en plat. Voilà, donc, c'est du gratuit, vous n'avez aucune excuse. Ouais. Voilà, c'est clair. Après, je pense que si t'es un peu bourrin et que t'aimes bien un petit peu les jeux d'action, tu vas pas forcément accrocher à ce type d'univers-là. Mais si t'es curieux et si t'aimes jouer à autre chose, celui-là, il est terrible. Il est vraiment terrible. Donc voilà. Ensuite, on a un autre jeu que j'adore aussi, c'est Thumper, 8 sur 10. Alors peut-être que va en parler de Thumper, peut-être. Ouais, c'était ma première claque VR en fait. Moi, je me suis mis à la VR avec le PSVR. Et je me rappelle avoir fait, comme beaucoup d'entre nous, je pense, le disque de démo du PSVR, qui n'était pas très bien d'ailleurs choisi. Enfin, je trouve que l'expérience n'était pas très bien choisie pour démarrer la VR, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intenses que voilà. Enfin, c'est pas très bon de commencer par ça, parce qu'on se fait une mauvaise idée de la VR. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Et donc, j'ai découvert Thumper par le biais de ce disque de démo, et donc il y a un jeu de rythme, mais juste dire que c'est un jeu de rythme, ce serait... réducteur. Ouais, complètement réducteur, parce qu'il a une ambiance très particulière. En fait, on bouge une sorte de petit scarabée, et sur rail, et donc il y a une musique très travaillée, très particulière, qui a été créée pour le jeu, qui gagne en intensité. C'est vrai qu'elle est spéciale, la musique, dedans. Je ne sais même pas comment la définir. Il y a beaucoup de percussions, des grandes percussions. Il y a beaucoup de percussions, d'électronique. C'est pas vraiment de la mélodie, c'est pas de la techno, c'est pas... Non, c'est un peu toi qui crée la musique en fonction des quand tu passes sur différents éléments, ça te crée une note en fait. C'est assez transcendantal en fait, comme truc très très grave, et ça explose. Dubstep indus. Et tu t'aides de ton oreille pour savoir s'il y a un virage qui va arriver. Tu sais que tel moment la musique va changer et tu dis merde, il va y avoir quelque chose là. C'est ça, et puis t'as le gameplay qui évolue au fur et à mesure des niveaux, t'as de nouvelles choses que tu peux faire, ça se corse pas mal. Oui. Et du coup c'est très intense, les niveaux sont assez longs en plus. Il y a des sortes d'ennemis, pardon, je t'ai coupé. Non, j'ai juste dit qu'il est dur. Ouais, il faut bien avoir le rythme quoi. Ouais. Mais sinon, visuellement c'est chouette, il y a vraiment un univers, il y a des sortes de bestioles un peu, je sais pas trop comment les décrire, mais on va détruire un peu des trucs un peu extraterrestres, il y a un boss qui revient souvent à la fin, qui est de plus en plus moche. Qui fait un peu flipper. Ouais, qui fait un peu flipper, et c'est vraiment... à différentes échelles, je sais, j'ai toujours pas compris pourquoi, ça m'avait rappelé ma Game Boy Camera. Wow. Avec le petit jeu de tir où tu pouvais mettre ta tronche en boss, qui faisait différentes grimaces. Mais je pense que c'était parce que c'était une grosse tête, comme le boss c'est une grosse tête. Et ben, du coup voilà, un jeu de tir plus ou moins, parce que tu renvoies les tirs entre guillemets du boss. Donc ça m'a un peu fait penser à ça, mais là c'est version 7.0. Ouais. C'est clair. Faut aimer les jeux de rythme, certes, mais alors par contre. Mais c'est pas qu'un jeu de rythme en même temps, c'est vraiment. C'est pas qu'un jeu de rythme, hein. Mais la mécanique de jeu est quand même basée sur le rythme, donc il faut quand même un minimum aimer. Mais non, pour moi c'est au-delà aussi, mais c'est vraiment dépaysant, ça te. Toi, bêtement. T'es plongé dans le truc, c'est chouette. Pardon. Moi ça me fait. Non, mais pas de suite. Mais moi ça me fait penser un petit peu à un jeu de méditation. Ou plutôt de transe, c'est-à-dire que une fois que t'es dans le jeu, quand tu enchaînes un petit peu les pistes... T'es en transe, clairement, ouais, c'est ça. Et c'est en plus, aidé avec la musique qui est vraiment très très particulière et qui te rentre dans le cerveau et qui te mange la tête... C'est un truc qui me fait penser un peu à Beat Saber, moi, quand t'es là-dedans, tu penses plus à rien et t'es à fond sur ton truc et... Ouais. Mais il joue à la manette, c'est... Ouais, voilà, c'est oui, beaucoup mais je veux dire, moins physique, au niveau parce que de, tu peux jouer sans au bouger de la musique, sur ton canapé. La musique et le... En fait, t'es sur ton rail et t'es tellement concentré à pas louper tes virages et à essayer de sauter au bon moment parce que t'as des pièges qui t'arrivent de partout sur la gueule, plus les ennemis. T'es super concentré. On parlait de l'effet Tetris où c'est que tu es arrivé à un seuil de... Limite, tu rentres en transe quand tu joues, ben, t'as Tetris, celui-là peut-être en fait partie, un peu comme Beat Saber peut en faire partie aussi. Quoi. Ça et les zones de Wipeout, voilà, c'est complètement ça. T'es à fond dedans et tu penses plus à rien d'autre et t'es même plus, tu sens même plus ta manette. Hein. Et donc, petite précision aussi, celui-là, il se joue aussi en plat. Il a été adapté il y a quelques années, je crois maintenant. On peut y jouer en plat, donc voilà, pareil, que vous ayez un PSVR ou pas, il n'y a pas de raison de passer à côté. Ah bah là, non, il faut. Voilà. Et le dernier, Res Infinite. On parlait de Beat Saber, là c'est le même auteur que Tetris Effect, donc Tetsuya Mizuguchi. Alors c'est un jeu qui, moi au début, perso, j'avais pas plus accroché de ça, je disais bon, c'est un truc avec des petits points, tout pixelisé, bof. Puis au final, il y a quand même l'Area X au milieu qui est vraiment bien bien foutu, qui n'est pas sur la version plate, qui a été faite pour la VR. Et du coup, un jour je l'ai vu, je me le suis pris, et en fait il est excellent. Et pourtant graphiquement, franchement c'est pas top, mais il y a cette magie qu'on retrouve un peu dans Tetris Effect. Et perso, moi je l'ai beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé aussi. Encore une, c'est un jeu qu'on avait noté 8 sur 10. Voilà, c'est encore un autre jeu à faire à tout prix, surtout quand c'est gratuit, faut pas se priver quoi. Si c'est gratuit, ça fait plaisir. Alors moi j'étais complètement passé à côté, j'avais essayé la démo de celui-là. Je l'avais déjà essayé sur Dreamcast à l'époque quand il était sorti. La démo m'a pas plu en fait, du tout. J'ai pas aimé le concept et j'ai pas aimé les sensations dedans, mais tout le monde me dit autour que c'est un jeu culte et qu'il faut absolument le faire et que, alors, comme on disait tout à l'heure, tu rentres dans la zone, mais je vais réessayer quoi. Du coup. C'est vrai que tu as le jeu classique Res, et puis tu as cette version RAX là qui est en plus. Et je crois que tu peux faire cette petite partie indépendamment du jeu. Tu peux très bien lancer que ça juste pour voir ce que ça donne. Donc là, il est gratuit. Franchement, faut y bondir dessus et puis faut le tester parce que c'est vachement bien. Quoi. C'est le seul jeu que j'ai pas dans toute la liste. Donc de toute façon, je le sais rien. Faut pas passer à côté. Non. Quoi qu'il en soit. Bah non, là, ce serait. Tu l'as essayé toi, Seb ? Ouais, j'ai essayé. J'ai fait l'Area X aussi, mais j'ai bien aimé le côté un peu pareil, dépaysement, encore une fois. Mais bon, c'est vrai, quand on parle de VR, le mot dépaysement revient souvent. Mais j'ai pas réussi à être transcendé vraiment, à me laisser porter à fond, je sais pas. Peut-être que c'est le gameplay en soi, peut-être, qui est pas aussi profond que l'immersion, et que du coup, on n'arrive pas... Enfin, personnellement, voilà, moi j'ai pas réussi à, du coup... être vraiment à fond dedans quoi. J'ai préféré son Tetris Effect qu'il a fait après pour le coup. Donc voilà, mais en tout cas c'est gratuit, je veux dire, plus que jamais ça coûte rien d'essayer, donc voilà, on peut y aller, on peut foncer, on peut faire son propre avis, et ça, merci Sony, c'est super cool, et ça fait plaisir. Et en plus, ils ont eu l'intelligence pour quand même certains jeux VR de mettre des jeux qui sont proposés en plat et en VR, donc comme ça, ça évitera justement les gens qui n'ont pas de casque de trop gueuler en disant « Ouais, les 5 jeux VR, on s'en fout, ouais, mais tu peux jouer en plat, donc pour certains. » Oui, puis ils sont déjà sympas d'offrir des jeux. Il faut pas oublier que le dernier Play at Home, il n'y avait que 2 jeux d'offert. Donc là, ils ont déjà 6 jeux plats, en comptant Rez. 7 jeux avec Ratchet, plat, par rapport à la dernière fois, il n'y en avait que 2. Plus 5 jeux PlayStation VR, donc ils n'ont pas à gueuler, en fait. Il y aura toujours des mecs qui vont gueuler, mais bon, ceux-là, il faut... Oui, bah bien sûr, mais c'est le jeu, hein, ça, ouais. C'est le jeu à Pauvre Lucette. Y a encore Farpoint de disponible au PS Plus. Oui. Allez-y, si vous avez le M Controller, c'est impossible de passer à côté. Et Final Fantasy VII Remake. Oui. Que j'ai commencé. Et il peut se jouer à la manette aussi, hein, Farpoint. Oui, mais c'est carrément moins bien quand même. Il faut le préciser quand même. Mais là, c'est, j'ai jamais essayé, là, c'est perso, une possibilité pour vendre de l'AIM Controller, sauf que je crois qu'il est en rupture de stock. Donc... Ouais, bah, comme pas mal de choses en ce moment, j'ai envie de te dire, de toute façon. Donc voilà. Écoutez, vous nous direz en tout cas en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite sélection, et puis voilà, faites-vous plaisir, hein, les gros, hein, parce que c'est le moment, hein, c'est le moment ou jamais de se faire plaisir. Du coup, on va parler maintenant de rumeurs. Mmh. Avez-vous entendu ce vent qui venait de l'Est ? Non, je ne sais pas ce que je dis. La rumeur, une petite rumeur qu'il y a eu sur Internet de la Xbox enfin VR ? 3 points d'interrogation ? Et oui, parce qu'il y a eu un petit screenshot qui venait de quoi ? Qui venait de IGN... IGN Italie. Mais c'est pas une rumeur. Hein. Ça, attention, il ne faut pas mélanger les choses. Pas une rumeur. Mais je veux dire, les titres Xbox sur VR, 3 points d'interrogation, ça porte un peu à confusion. Quand on ne croit pas, même si on a envie d'y croire quand même. Hein. Oui, mais c'est de la rumeur dit à un couac. C'est pas une rumeur, étant donné que la ligne de code est bien présente dans la série X, quoi. Ah, vas-y, raconte-nous. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un nouveau casque qui est sorti récemment, donc le casque wireless de Xbox. Donc c'est un casque sans fil qui se branche en USB-C et un casque audio avec un petit micro qui est très sympa d'ailleurs, donc les mecs d'IGN ont eu ce casque-là à tester. Donc ils se sont amusés à le tester. Donc bien entendu, c'est un casque Xbox qui a le logo Xbox sur le côté. Et donc ils ont commencé à l'essayer sur PC, donc pas de souci. Et puis après ils ont dit on va le tester sur la série X. Sauf que c'est au moment où ils ont voulu brancher l'USB-C. Donc faut pas oublier que en fait la Xbox série X n'a pas d'USB-C en façade. Elle est en USB 3. Et donc il y a un cordon qui est d'un côté USB 3, de l'autre côté USB-C, et c'est au moment en branchant ce casque sur la série X qu'ils ont eu une fenêtre qui s'affichait sur leur écran. Ils ont filmé, hein, le truc, et là c'est pas un leak de Kachan ou un type chez lui à sa maison qui s'est amusé, c'est directement dans un reportage d'IGN, des testeurs, des professionnels, et donc on voit bien que quand il branche le truc, il y a une fenêtre qui s'affiche et qui lui indique votre casque VR doit faire une mise à jour, veuillez cliquer ici pour faire la mise à jour de votre casque VR. Et il n'y a pas de problème du style, on pourrait croire que c'est un défaut de traduction ou quoi que ce soit, c'est vraiment écrit casque VR, il n'y a pas de doute possible là-dessus. Donc là, IGN en ont parlé à Upload VR. Upload VR s'est chargé d'appeler Microsoft, Microsoft, la réponse, ça a été « c'est un bug ». Mais ça répond pas. C'est complètement con parce que ça répond pas à la question pourquoi cette fenêtre s'est affichée. Si vous en avez rien à faire de casque VR depuis 2014, à quoi ça sert que dans la série X il y ait une fenêtre qui s'affiche en disant votre casque VR doit être mis à jour. Surtout que si tu branches sur la série X une clé USB, n'importe quel matériel en USB, tu n'auras pas ce message. Là, à mon avis, c'est que le fait qu'il y ait de l'USB-C ou qu'il y ait un programme interne Microsoft à l'intérieur de ce casque audio a fait déclencher cette fonction qui doit être commune et qui a déclenché cette fonction qui n'aurait pas dû être vue. Je vais y arriver. Donc c'est là où c'est pas du tout une rumeur. Officiellement, Microsoft, ils disent que c'est un bug, ils veulent pas en parler. N'empêche que là maintenant, clairement, on sait qu'il y a des lignes de code à l'intérieur de cette Xbox Series X qui sont déjà écrites et qui parle justement de l'intervention de l'arrivée d'un casque VR. Alors maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont le faire. Ça veut peut-être dire qu'ils ont prévu le truc dans le programme. On verra bien si on le fera ou pas. Il y a peut-être une partie du code qui est faite pour ça, et ça ne veut pas dire qu'ils le feront. Par contre, c'est vrai que la plupart des casques PCVR sont en USB-C. Donc pourquoi pas, j'en reviens encore avec mon histoire d'HP Reverb G2. Je vous rappelle que sur le site, si vous allez actuellement sur le site officiel de Microsoft, si vous allez sur la page du HP Reverb G2, quand on voit les systèmes, les OS supportés par le HP Reverb G2, il y a Windows 10 et le deuxième OS c'est Xbox One. Donc tu te dis, tiens, c'est bizarre. Après, il ne faut pas oublier non plus que les développeurs d'Asobo Studio, ceux qui ont fait Flight Simulator 2020 pour PC, dans les codes du jeu, il y a aussi il y a deux variables qui sont intéressantes. Il y en a une, c'est PCVR, et la deuxième, c'est Scarlett VR. Scarlett, c'est la série X. Xbox One X ? Voilà. Non, la Scarlett, c'est la série X. Je confonds avec Scorpio, ouais. Effectivement. T'as raison. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, on a aussi Bethesda qui continue à développer des jeux en VR comme Doom 3, alors qu'ils seraient censés plus en faire, étant donné que maintenant, ils appartiennent à Microsoft. Et surtout, on se rappelle de ce projet 2021A de ID Software qui est prévu pour 2021, qui était classé R+18 au PEGI australien, je crois, on sait que c'était un jeu VR, donc ils continuent à travailler sur des jeux VR Bethesda. Et puis enfin, il y a toujours Alter Space, qui est une application qui avait failli mourir en 2015. La boîte était en dépôt de bilan. En dépôt de bilan, c'est une espèce de rec room, ou on va dire un espèce de home ou Second Life, un truc dans ce genre. Et la boîte était en train de... C'est même les premiers à avoir lancé ça, bien avant Rec Room. Et la boîte était complètement en train de couler. Ils ont été rachetés en 2017 par Microsoft, et puis on n'en entendait plus parler, sauf que là, il y a quelques mois, ils ont carrément annoncé que tous les comptes Alter Space VR disparaissaient au profit de comptes Microsoft. Et le PDG d'Alter Space a annoncé que c'était une étape audacieuse dans la direction d'un avenir radieux. C'est quand même une application qui est 100% VR. Donc, c'est peut-être une application qui va arriver sur PC. Ça, c'est sûr qu'il y a toujours un lien entre le PC et... Par contre, il y a quand même des petites choses qui font... Il y a un petit morceau de code Scarlett VR dans un coin, un petit système Xbox, tiens, pour un jeu qui devrait sortir que sur PC. Et puis là, les testeurs de chez IGN Italie qui branchent un casque audio Microsoft et qui déclenchent ce genre de fenêtre, pour moi, c'est pas une rumeur. Pour moi, c'est peut-être un problème technique, mais au final, ça montre que quand même, il y a quelque chose qui se trame. Ils ont peut-être quelque chose de prêt et ça peut sortir du jour au lendemain, quoi. Ça peut. Non mais c'est un bug. Enfin, je veux dire, c'est quoi cette excuse, quoi ? C'est il y a plein d'analyses comme ça à droite à gauche. Ça peut pas être un bug. Là, franchement, enfin Xbox, ça fait quelques années quand même qu'ils font les girouettes sur pas mal de choses, notamment sur la VR. C'était la présentation, je crois, de l'E3 2014, ça, si je dis 2013, ils avaient commencé. 2013. Ah, 2014, Oui, 2014, ils allaient soutenir la VR en 2014. Projet Scorpio, là, justement, donc la Xbox One X, quand ils l'ont présenté, où justement, t'as des gars de Bethesda et aussi Phil Spencer qui disait, voilà, on veut, avec cette nouvelle console, avec 6 teraflops, apporter la meilleure technologie possible pour justement un rendu optimal pour la réalité virtuelle, et c'est dit dans une présentation devant des milliers de personnes et retransmis après sur internet. Carrément l'E3 2016 où il a dit clairement que la Xbox Scorpio serait compatible VR. Ce serait une console 4K haute définition et avec une très grande qualité de VR, et là il l'a dit devant tout le public Xbox, quoi. Voilà, donc regardez à nouveau cette vidéo, et puis après on connaît aussi le discours qu'il y a eu quelques années plus tard concernant la réalité virtuelle, comme quoi c'était mort. Là j'ai l'impression qu'ils savent vraiment pas où aller, Xbox, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont en train de préparer le terrain pour se dire, si ça marche chez la concurrence, allez, on va voir si on peut pas grappiller un petit bout du marché, et ce qui serait très très bien au niveau de la concurrence justement, et tout ce qui est concurrence c'est bénéfique pour les joueurs, donc oui, ça serait une super chose, ouais. Ça serait vraiment super, mais j'ai l'impression que voilà, putain, ils ont pas encore une politique, ils ont pas une ligne de conduite claire encore au niveau de la réalité virtuelle. il souffle chaud, le froid, il donne des indices comme ça. Et c'est pas un bug, Ils prennent des virages à 180 degrés tous les 3-4 ans, quoi. Il faut qu'ils aient un axe de... Parce que là, c'est pareil, hein, la série X, de l'USB 3.0 en façade sur une console next-gen. Donc, c'est pas très grave techniquement. Ça, c'est pas ça qui va empêcher la série X de faire fonctionner un casque. Hein. Parce qu'un 3.0, c'est du 5 gigabits seconde. Donc, ça suffit amplement pour faire tourner un casque VR. D'ailleurs, le Quest ou le Quest 2 fonctionne avec ça. Donc, c'est pas un souci. Par contre, c'est étonnant que, sachant que la plupart des casques VR soient en USB-C, il n'y ait pas de USB-C en façade de la série X. Donc après moi c'est depuis toutes ces années c'est on y va, on l'annonce publiquement, et puis on a l'impression que tout le monde a oublié, après on n'y va plus, après on fracasse la VR mais violemment, là maintenant, donc jusqu'à présent on était sur une phase, je dirais, de 2014 à 2020, sur une phase où il n'y avait absolument aucun indice qui pouvait prouver que Microsoft allait se lancer en VR. On n'avait rien, pas un jeu, pas une application, on n'avait que dalle. Là, ça fait 3 mois quand même que ça n'arrête pas de fuiter. Entre tout ce que je vous ai dit, là, entre Alter Space, entre Bethesda, entre Flight Simulator, c'est arrivé ces derniers temps, depuis janvier, ça n'arrête pas, quoi. C'est des petites conneries, des petits détails, des petits trucs insignifiants, mais mis bout à bout, bah, ça commence à remplir le sac. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'en face, il y a Apple qui déboule en 2022, il y a Facebook qui va commencer à les enquiquiner parce qu'ils ont leur propre système d'exploitation en VR qui peut remplacer un PC, hein, parce que là, quand il va arriver, alors je ne sais plus comment il s'appelle déjà ce système Facebook. Horizon, c'est le réseau social en VR, et le système Facebook, c'est pas Odyssée ou un truc comme ça. Je sais plus. On a parlé déjà en podcast. Et là, Facebook devient inquiétant parce que non seulement il a les finances, c'est un GAFAM, et en plus, du coup, il propose un système d'exploitation dans un casque VR. Mais il ne faut pas oublier que bientôt, on n'aura plus besoin d'ordinateur, on n'aura plus besoin de console, on aura juste besoin d'écran, de télévision, de casque VR, de téléphone portable, de tablette, parce que tout sera dans le cloud. Ce qui veut dire que potentiellement, on pourrait avoir, avec un casque qui fasse de la VR et de l'AR, comme ce fameux système d'exploitation de Facebook, on pourrait avoir un système embarqué, tu mets ton casque et tu as ton PC à n'importe quel endroit où tu es quand tu as ton casque dans la maison. Tu n'as plus de matériel physique, tu n'as plus qu'un casque qui va te refaire un PC en réalité augmentée devant toi. Et du coup, il devient potentiellement un concurrent à Windows, quelque part, parce que c'est un système Facebook. Donc rien que pour ça, ils vont pas, c'est pour ça qu'ils travaillent sur HoloLens, qui est quand même un produit qui vaut plus de 5000 euros, hein, qui est prévu pour les professionnels. Mais je ne serais pas étonné qu'ils se pointent, surtout qu'il y a Apple en 2022 qui déboule, un deuxième GAFAM. Google et Amazon, pour l'instant, ne sont pas trop inquiétants. Mais c'est eux la concurrence de Microsoft, c'est pas Sony. Donc là, déjà, ça pourrait les faire sortir de leur buisson. Et puis, il y a quand même Sony qui a quand même la seule console qui propose de la VR. C'est complètement fou, mais ça reste un argument de vente, parce que si demain la VR emballe tout le monde, c'est pas quand Sony aura vendu 100 000 casques VR qu'il faudra qu'ils se réveillent. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui... Il y a quelques années, en 2016... pouvaient se comprendre, ils y vont. On va attendre la One X. Ah putain, la One X, elle est pourtant la console la plus forte du monde, la plus puissante du monde, la plus, et ils y vont quand même pas. Et puis après, ils nous disent, ça vaut pas le coup en ce moment, on attend qu'il y ait du sans fil. Puis il y a le Quest. Et puis même avec le Quest, ils y vont toujours pas. Moi, je les suis depuis 2014, et puis je suis à fond dessus, quoi. Et là, maintenant, il y a tout. La série X qui a 12 teraflops, puis c'est du RDNA2, donc c'est pas la même puissance que... C'est un gros PC, faut arrêter. Il y a tout qui est réuni. Le sans fil existe, il y a de la concurrence qui arrive. En fait, s'ils y vont pas, je comprends pas. Donc, et en plus, il y a tous ces petits indices. Alors, ils iront peut-être pas en 2000, ils iront peut-être en 2022, ou alors en mois de juin, ils vont nous l'annoncer... Et ça va nous tomber dessus d'un coup. Ils vont dire, ça y est, le Reverb G2 est compatible avec toute la marque, la gamme Xbox. À suivre, mais là, moi, j'y crois maintenant. Ouais. Bah, en tout cas, moi, ce truc qui m'embête chez Xbox, en fait, c'est cette attitude un petit peu de mijaurée face à la VR, dire oui, on y va, en fait, on y va. Mais ça, pas, ça me gave. Je suis trop timide. Et ça me tourne souvent leur veste. C'est ça. Phil Spencer me gave royalement pour. Mais grave, je même là maintenant en vidéo, dès que je le vois, j'ai même plus envie, je change de vidéo, ça me saoule. mais voilà. Et toi, Seb, t'en penses quoi, toi, de cette vision, en tout cas, de cet indice? Bon, de toute façon, je pense qu'ils vont forcément y venir à un moment donné, parce que ils vont pas laisser un terrain comme ça se remplir s'il fonctionne. Ouais, voilà. Je pense que ils vont forcément venir s'immiscer à un moment donné. Bah, ils y sont un petit peu sur PC déjà. Ils sont du pas bout de l'orteil. Ouais, c'est voilà. HP qui sont pas eux. Ouais, avec les WMR, avec quelques expériences Microsoft, qui, comme tu citais par exemple Microsoft Flight Simulator, qui a l'option VR et tout, ils y vont tout doucement. Je pense qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques. En fait. Donc ils mettent des. Voilà, c'est ça. Ils mettent des petites pincettes par-ci, par-là, et puis je pense qu'ils mettront le gros pas quand. C'est quand ça pour qui est eux, dingue. C'est ça qui, je trouve ça ce dingue. Ce sera rentable vraiment, quoi. Comme tu dis, ils ne veulent pas prendre de risques, c'est ceux qui pourraient prendre le plus de risques. C'est là qu'ils prennent un risque. Bah ouais. Le plus ouais, de là, choses. Je suis d'accord. Ils laissent les autres prendre des risques, ouais. Et puis ils viennent, hop, dès que c'est tout. Ouais, c'est, dès que c'est tout. Mais c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est une attitude de cow-boy, ça, tu vois, mais alors qu'ils pourraient, ils ont les finances, ils ont les moyens techniques, ils ont la recherche et développement qui est pour, c'est quand même pas des cons chez Xbox, ils ont le compte en banque, chez Microsoft. C'est des bons. Tu vois, Facebook, ils ont les moyens et du coup, bah, ils les prennent. Enfin, oui, ils prennent même plus, ils se font même pas de. Enfin, sur le Quest 2, par exemple, ils vendent donc à perte et donc ils prennent carrément des risques et ça fonctionne pour le coup. Donc, moi, cette attitude de Microsoft m'agace un peu aussi. Bah, surtout que pour un casque VR comme le Quest 2, on touche un autre marché, celui des professionnels et même des particuliers. C'est ce que Apple va proposer en 2022. Faut pas croire qu'Apple va nous proposer un casque VR pour jouer sur PC ou pour les joueurs. C'est pas du tout eux ce qu'ils veulent faire. Apple, c'est vraiment un ordinateur en réalité augmentée, un système d'exploitation de type Mac OS 10 qui sera destiné aux professionnels. Et puis tu te diras, tu auras un casque à 1000 euros. Pigeon. Tu auras un casque à 1000 euros. Et tu te diras, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le prochain Mac que j'achète, est-ce que c'est un Macintosh, un iMac à 1500 euros? Ou est-ce que je prends juste ce casque? Et du coup, parce que les puces embarquées maintenant, des puces A1, t'as une puissance suffisante pour faire tourner tes mails, pour faire tourner, et du coup, tu t'attaques carrément aux consommateurs d'ordinateurs de personnel de maison. Ouais. C'est plus les joueurs, là. Puis ce serait pas étonnant de voir un système d'achat. Tu sais, là par exemple, Microsoft ont fait le All Access, là où tu payes ta Xbox Series X en plusieurs fois. Mmh. Et Apple pourrait très bien faire, ils le font avec les iPhones, un système le système quand tu achètes un téléphone, tu rajoutes tant à ton forfait tous les mois, hop, et puis du coup, tu peux avoir le casque. Enfin, tu vois, ça tombe, ils feront des trucs comme ça pour ramener les gens directement, leur mettre dans les mains. Parce que les gars, ils vont se dire, oh, ça, ouais, pourquoi pas, ça a l'air je sympa. Je crois que les gens surtout, n'ont pas encore compris qu'un casque VR peut avoir de telles retombées. Et si dans 2-3 ans, les gens percutent en se disant qu'ils ont un écran à 4K dans les yeux avec une image super nette, qu'ils ont la possibilité d'avoir de l'AR et qu'ils se disent, j'achète ce petit casque qui a une gueule de Quest. Et avec ça, j'ai mon PC en fait, j'ai mon ordi. Je mets mon casque, je suis en vacances, je suis n'importe où, je mets mon casque, j'ai mon PC devant moi. J'ai juste à avoir un clavier et un casque, c'est tout. Et je peux bouger tout avec mes mains, avec c'est Minority Report, on n'a plus de souris, on bouge l'écran avec les mains. Le clavier, tu l'as en virtuel déjà. Oui, voilà. Alors, j'ai vu que Facebook avait quand même rajouté le clavier physique. Parce que le clavier virtuel ça marche, mais c'est pas ouf non plus. Et puis quand tu aimes taper sur un clavier, tu y arriveras toujours mieux quand même sur un vrai clavier. Ah bah c'est sûr. Mais il y a tout un corps de métiers, des gens de la bureautique, des gens d'autant plus avec le Covid-19 où les gens maintenant se retrouvent un peu enfermés chez eux, comme c'est ton cas. disons qu'il y a quelque chose, il y a le cinéma, il y a la musique, il y a les concerts virtuels, il y a les cinéma, on peut plus y aller avec ce genre de casque. C'est on peut voir des spectacles en live différés en streaming en VR en 3D. Il y a le cloud qui déboule derrière, donc on n'aura plus besoin d'avoir des machines embarquées avec des puces de téléphone portable. On aura directement des serveurs distants qui auront la puissance de très très gros PC qui pourront envoyer du lourd là-dedans, notamment avec l'arrivée de la 5G et de la fibre pour tout le monde. Donc on en est là, et je crois que les casques de réalité virtuelle, il y a beaucoup de gens qui les voient encore que pour le gaming, alors que ça va être une véritable révolution dans les 10 années à venir. Ça va être un truc de malade, justement parce que c'est un appareil avec un écran, Et du coup, les PC et les consoles, bientôt, on pourra les mettre à la poubelle. Et ce qui va vivre, ce sera les machines avec un écran. Jamais. Et ben, ce sera pourtant. Moi vivant, jamais. Ce sera pourtant comme ça que ça va se passer. Je sais que t'as raison. Ouais, mais après, voilà, c'est dans un futur. Dix ans. Encore 10 lointain. Ans, ouais. 10 ans, voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, en tout cas, voilà, ce qu'on sait sur Xbox, enfin en VR. Et puis, voilà, on espère que voilà, ils vont se sortir un petit peu les doigts et puis assumer un petit peu quand même leur propos quoi, et puis leur ligne directrice. Et puis, ils vont rien assumer du tout. Ils vont débouler. Ils vont dire, ouais, on arrive, on a sorti un casque, c'est le meilleur du monde. Voilà. Et on a toujours cru en la VR. Et, voilà, c'est super, on a toujours dit que c'était génial, que ça n'isolait pas, que tout le monde en demandait. Voilà. et là, maintenant, notre casque, c'est vraiment le meilleur casque du monde. Voilà ce qu'ils vont. D'ailleurs, on a fait des recherches dessus, on a fait les WMR, et puis ça a bien marché. On était les premiers sur le marché. Ouais. Et voilà, bref, on sait à peu près comment ça va se passer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, nous, on a vraiment envie que Xbox s'y mettent enfin et que voilà, ça assainisse. Dans tous les cas, c'est très bon. Ça. C'est très très bon qu'ils y aillent. Ça sera toujours très très bon. Voilà. On va continuer aussi au niveau des rumeurs, notamment Naughty Dog enfin en VR. Oui. C'est bien, ça va avec tout en fait, ça qui est bien. Alors Naughty Dog, Last of Us 2 en VR. Non. Pour l'interrogation. Alors ça, par contre, c'est une rumeur. Bah, c'est même plus une rumeur, c'est une merde. C'est une merde, d'accord. Uncharted serait plus probable qu'un Last of Us, je pense, en VR. En oui. Quoi que. Oui, je sais pas, mais les deux me plairaient bien, de toute façon. Tout à l'heure, on parlait. Alors, oui, moi, je suis d'accord. Plus Uncharted. Et encore Uncharted, faut voir. Mais Last of Us, j'y crois pas. Puis, alors, un petit claqueur en VR. Last of Us 1 ou 2 en VR, mais tu te chies dessus, là. Ouais, trop bien. C'est des claqueurs, mais c'est clair. Claqueurs, là. Non, mais en fait, tout à l'heure, on parlait pas de rumeurs tout à l'heure sur Xbox, on parlait vraiment de bourdes, donc de trucs avérés, de découvertes. De bugs. Là, maintenant, c'est carré, on est dans une rumeur, mais la pire rumeur qui soit, celle de 4chan. Donc le site, c'est 4channel.org. 4chan, on dit 4chan. Hein, 4chan, oui. C'est, ouais. 4chan. Oui, c'est vrai. C'est comme VR 4 player. VR 4player, c'est pas VR 4 player. C'est pas VR 4 player. C'est 4chan, c'est ok. Et c'est Uncharted 4. Voilà, exactement. Bien. Donc, là où, donc, 4chan, là, c'est vraiment le site le pire qui puisse exister pour les rumeurs. Pourquoi ? Parce que c'est un forum qui est accessible à n'importe qui et qui a la particularité, tu peux dire ce que tu veux, n'importe quoi, en restant anonyme. Donc, c'est vrai, tu peux même faire du harcèlement et ça, c'est pas mal ça. Tu peux insulter, tu peux. Alors, mais si tu insultes, ton message, mais tes messages restent tout le temps anonymes. Donc du coup, y a plein de gens qui disent ouais, moi je travaille chez Sony, je suis au courant de telle information. Et ils sont super contents, forcément, quand il y a une news qui arrive à partir et que ça fait le tour des réseaux sociaux. C'est même un petit jeu. Globalement, on va dire que 99,9% de ce qui sort de 4chan, là, c'est de la merde. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2019, il y avait eu une première rumeur qui venait de là. Ce qui est intéressant, c'est de remonter les sources et qui avait annoncé que Naughty Dog était en train avait révélé pour la première fois dans une réunion avec les responsables de Sony un nouvel IP qu'ils étaient en train de travailler. Qui s'appellerait, alors attention mon anglais, Stray Cross. Ça n'a rien à voir avec le Stray qui sort sur PS5 avec le chat. Donc ça s'appellerait Stray Cross. Ce jeu, ils avaient déjà parlé d'un pitch du jeu qui ce serait un bonhomme qui aurait sauvé un de ses amis qui allait se faire tuer par les flics. Il se retrouverait, en fait c'est un mec un peu dur, un peu à la Joël de Uncharted, qui se retrouverait avec une femme qui serait une scientifique et qui découvrirait que dans ce monde, ce serait un monde un peu cyberpunk. Et que dans ce monde, leur découverte risquait de tout chambouler en fait dans l'humanité. Donc voilà, c'était le pitch de départ de 2019. Et là, ce qui est drôle... Genre qu'ils auraient trouvé un vaccin pour une maladie à base de champignons, non? Parce que ça ressemble quand même vachement à Last of Us. Hein. Par exemple. Enfin, bon, ça allait pas plus loin. Et donc, là, il y a quelques semaines, paf, il y en a un autre. Donc un autre pseudo, mais forcément, ça peut être n'importe qui, parce que ton pseudo, c'est toi qui le tape, donc ça peut être n'importe qui retape de nouvelles informations sur ce fameux Stray Cross. Donc il réutilise le même nom que la première rumeur qui avait déjà fait le tour. Et donc là on apprend un peu plus. Donc il a annoncé dans ce même leak qu'il allait avoir une nouvelle édition d'Uncharted Chronicle qui s'appellerait Uncharted Chronicles, qui serait prévu pour PC et la PS5, et ça serait une compile qui intégrerait tous les Uncharted 1, 2, 3, 4, mais y compris le Golden Abyss qu'il y avait sur la PS Vita. Et puis il y aurait aussi un DLC multijoueur sur The Last of Us 2, plus une histoire à part sur Abby en plus, et enfin un mode Battle Royale sur The Last of Us 2. Alors ça m'a fait rire. Ouais. Non mais ça pue la merde hein, quand même. Et en plus parce que il rajoute en plus dans son truc que Stray Cross sera la première IP de science-fiction AAA créée par le studio Naughty Dog pour PS5 et compatible avec le PSVR 2. Un court clip montre le protagoniste avec une vue à la première personne qui traverse des portails qui mènent à différentes époques, du moderne à l'égyptien, du futuriste à la préhistoire. Donc là, ça me fait penser au portail de Ratchet & Clank sur PS5. Et bien que la date de publication de cette IP ne soit pas finalisée, le studio met tout en œuvre pour créer une expérience la plus interactive possible. Donc ça, voilà, là je vous ai énuméré ce qu'il y avait sur 4chan. Donc maintenant, si on reprend tout. Alors déjà, au niveau de l'idée, c'est sympa parce qu'on en avait parlé, la possibilité d'avoir maintenant avec le SSD de pouvoir facilement charger un niveau à un autre. Il serait tout à fait possible de pouvoir passer d'une époque à un autre. C'est déjà le cas de The Medium, je crois, où tu peux passer d'un monde à un autre en un claquement de doigts. Mais bon, maintenant, si on remonte le truc, déjà le premier truc sur Uncharted Chronicles. Sur PS5, donc il annonce qu'il y aura Golden Abyss dans ce Uncharted Chronicles. Golden Abyss, c'est un jeu PS Vita. La PS Vita, elle tournait sur un type de système ARM, c'était du Cortex A9 MP Core, donc qui était développé par Sony, Toshiba et IBM à l'époque. Ce qui veut dire que pour qu'un jeu comme ça, même s'il n'a pas besoin de beaucoup de puissance, mais pour qu'il fonctionne sur une PS5, il faudrait qu'il y ait un émulateur de PS Vita qui soit installé dans la PS5. C'est ça. Dans le cas contraire, ça voudrait dire qu'il faudrait totalement réécrire le soft pour qu'il fonctionne. Donc déjà, son leak, là, il tient plus. Après, The Last of Us 2 avec un DLC multijoueur, à la limite, le multijoueur, pourquoi pas? On peut s'imaginer dans les environnements de The Last of Us à se tirer dessus. Après, je ne sais pas si le personnage de Abby, c'est la meilleure chose à faire en DLC. C'est possible, parce qu'ils nous ont déjà montré, dans les Uncharted par exemple, les DLC, c'était souvent sur d'autres personnages. Mais bon, Abby, moi je veux revoir. Abby avait divisé sur. Oui, sur voilà. Un petit peu divisé. Pas de spoil. Voilà, c'est pas. C'est ah pas non, j'en dis pas c'est, plus. C'est pas Abby qui me fait rêver, quoi. Déjà quand t'es. Quand elle se bat avec Ellie, ça me faisait mal de mettre des coups à Ellie, quoi. Alors, on n'a dit pas de spoil, du coup, hein, Laurent. Oui, un petit peu de mais ça m'a marqué, ça. Bah voilà, trop tard. Mais voilà, non, déjà que le personnage n'avait pas été trop aimé à tort ou à raison, après chacun jugera. Moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Ah, moi, j'ai bien aimé. Mais ensuite un DLC. Alors faire un DLC supplémentaire sur ce personnage-là, voilà, je vois pas bien l'intérêt, parce que finalement, une fois que tu termines le jeu, la boucle, même si la fin est ouverte, la boucle est bouclée, quoi. Genre, tout ce que Last of Us 2 avait à raconter, il l'a raconté déjà en grande longueur dans le jeu, qui est quand même suffisamment long. Un DLC supplémentaire là-dessus, je vois pas bien l'intérêt, quoi. Après, il y a le mode Battle Royale, donc faut arrêter les conneries. C'est bon, ils vont pas nous caler du Fortnite dans The Last of Us. Hein. Là, on arrête totalement les conneries. Donc, du coup, voilà. T'imagines Ellie déguisée en canard en train de sautiller dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Et puis, ça serait pas mal. T'achètes après tes skins pour avoir ta skin Mickey pour pouvoir être dans le Battle Royale de The Last of Us 2. Donc voilà, en fait, ça tient pas du tout la route, quoi. Mais le plus choquant, c'est que en fait, c'est un article qui est paru le 9 mars. Le même jour, j'avais préparé l'article le même jour pour VR4Player, et c'est en faisant l'article et en remontant aux sources que je me suis aperçu que c'était complètement daubé. D'ailleurs, je vous l'avais dit. Et puis, du coup, j'ai pas publié l'article. Et puis après, quand j'ai vu que, parce qu'en fait, cette news, elle a fait le tour. On la voyait de partout. Donc c'est là que j'ai dit mais c'est pas possible quoi, les mecs ils ont publié quand même quoi. Donc du coup j'ai refait un article, mais cette fois je le fracasse quoi, je fracasse la news parce qu'elle tient pas debout quoi. Seb, t'as suivi un petit peu toi ou pas? Ouais, j'ai vu passer ça vite fait, mais bon, de toute façon on se doute que Naughty Dog va se mettre à la VR à un moment donné, vu qu'il y a un PSVR 2 et qu'il y a déjà Bethesda et autres voilà, qui se sont lancés dans l'aventure. Donc Naughty Dog vont bien s'y mettre à un moment donné. Après, ces rumeurs-là précisément, j'en sais rien, je me laisse porter quoi. Par contre, ouais, oui, il y a des choses crédibles, il y a des choses qui sont moins crédibles. Je serais pas étonné de voir un Naughty Dog sur PSVR 2. Ce serait un super coup de pied aux fesses au PSVR 2. La Crash Bandicoot s'y prête très bien aussi. Exactement. On n'a pas cité, mais Crash Bandicoot. Ou un Crash Team Racing, ou je sais pas trop. Et surtout que en FPS, à faire des tornades en VR, ça le ferait. Ouais. Non, je pense que ce serait pas la première personne dans ce cas. S'il y avait un Crash Bandicoot à la première personne, ce serait un Crash Team Racing. Ouais. Mais voilà, en jeu de plateforme, un truc à la, là, je suis preneur, à la Moss, quoi. Bah, l'Astrobot. Bah, un Mario Kart Crash Bandicoot, c'est clair. Et puis un autre à la Astrobot, je prends aussi. Hein. Et c'est clair. Sûr. Voilà. Donc, voilà, bullshit. Voilà. Faut pas. Putain, ça te dit pas qu'on poste un truc un peu chiadé sur 4chan, Crash Team Racing VR? Bah, on pourrait s'amuser à faire une connerie comme ça. Et après, on dit, ça, bah, c'était nous. Voilà, et on dit qu'on bosse chez Sony et ouais. Puis voilà, qu'on a bu un café. On fait une photo bien torchée en 3D là, pour que ce soit crédible, et ça fait le tour du monde. Bon, surtout que toi, t'es bien capable de faire ce genre de truc-là. Donc, ah, ça pourrait être drôle pour le 1er avril, pour voir. Il y a moyen de faire un truc pas mal. Ok, bon ben voilà, donc ben, voilà ce qu'on en pense. Hein. Après, seul l'avenir nous dira si on a raison ou tort de croire à ce genre de choses. Oh, mais là, c'est un coup de bol. Hein. Là, si le truc s'appelle Stray Cross, je dirais pas que je me coupe les cheveux. Vous avez pas plus entendu parler de Candy Crush Team Racing? Candy Crush Team Racing en VR, VR, attention. En VR, ouais. Ça sur Xbox. Non, pas encore, non. Ça ne saurait tarder, je pense. D'ailleurs, si t'as des idées pour le 1er avril, on est preneur. Hein, parce que je sais que tu es générateur de conneries assez facilement. Que tu as un certain talent pour ça. Je ne sais pas comment prendre ça. Bien, merci. Il faut bien le prendre. Attends, venant de moi. Il faut bien le prendre. Ensuite, on a du concret, là. On a du puzzle. On a du puzzle de mémé. Mais sur PSVR, c'est Puzzling Places. Alors, j'ai bien prononcé ou pas, Seb? Ouais. C'est vrai? Puzzling Places. Puzzling Places. Il n'y a pas de 4 au milieu, ça va. T'es fier de moi ou pas? Continue. Alors ce jeu, il est un peu particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Joshua. Je sais jamais le nom. Joshua Bell. Le truc où c'est qu'on voyait un mec en train de jouer du violon en VR. C'est quoi le rapport? Oui, c'est vieux, ça. Le rapport, c'est que c'était un truc. Je me rappelle très bien quand l'expérience était sortie, qu'il y avait la moitié des gugus sur Internet qui disaient c'est quoi? Nous, on veut du Killzone et ils nous foutent un truc de violon, on n'en a rien à foutre. Mais par contre, techniquement, c'était sacrément bien chiadé. Oui. Là, ce qui m'intéresse, en fait, dans cette histoire de puzzling game, Puzzling Places, c'est la technologie qui est derrière tout ça, parce que c'est pas un studio de développement qui l'a fait, en fait. À la base, le studio, je crois que, je sais plus comment il s'appelle, le studio, c'est Realities, il me semble, qui n'est pas un studio de développement, c'est une société qui est spécialisée dans la photogrammétrie en VR et en AR. La photogrammétrie, c'est une technologie qui est pas récente, mais qui permet en fait de recréer des éléments en 3D à partir de photos en 2D. Donc en gros, tu vas sur un lieu, tu vas faire tout un tas de photos, tu vas le canarder dans tous les sens ton lieu, avec des photos simples, hein, des photos 2D. Et après, tu vas avoir un logiciel qui va récupérer, qui va voir chaque pixel de toutes ces photos et qui va reconstruire un puzzle de l'environnement en 3D à partir de ces photos plates. Donc ça, c'est la photogrammétrie. C'est ce qui est utilisé, par exemple, sur les centres-villes de toutes les villes qui sont dans Google Maps. Avant, elles étaient avant, c'était modélisé par des vraies personnes qui modélisaient les immeubles. Puis ils se sont aperçus que c'était un truc de dingue à faire. Du coup, maintenant, ils utilisent ça. Et du coup, ça rend plutôt bien. Et l'avantage, c'est que les textures, ça vient de, ben finalement, vu que c'est construit avec des tonnes et des tonnes de photos, t'as des textures avec des résolutions de dingue. Et puis, tu arrives à avoir des environnements qui sont plutôt réalistes. Et donc, c'est cette société, elle faisait ça. Et ils ont eu un bug, un vrai cette fois, pas celui de Microsoft. ils ont eu un bug. Et du coup, ils ont eu une de leurs maquettes qui a complètement explosé. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas en faire un jeu? Parce que quand ils ont commencé à, ils ont essayé de reconstruire leur truc, et puis ils ont dit, mais pourquoi pas faire un puzzle comme ça? Donc à la base, c'est pas vraiment un jeu. C'est pour ça qu'à mon avis, ce sera un truc qui sera pas forcément très cher, voire peut-être même gratuit. Mais je veux pas m'avancer parce que je crois l'avoir vu gratuit sur PC ou sur Oculus truc ou je sais plus où. Mais il me semble avoir vu un truc passer comme ça gratuit. Donc en fait, il y aura, je crois que c'est une soixantaine. Je sais plus combien il y aura, bref, on s'en fout. Il y aura un bon petit paquet de puzzles dans ce genre. En plus, ils annoncent d'en rajouter des nouveaux. Et en gros, par contre, le principe, c'est simple. Hein, tu prends tes pièces et tu reconstruis quelque chose en 3D. À savoir que tes pièces 3D, ne sont pas planes. Tes pièces sont en 3D. Donc c'est un puzzle 3D en VR en fait. Mais après moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est toute cette petite histoire qu'il y avait derrière l'utilisation de cette technologie. On l'a pas encore vraiment vue en VR, et c'est l'occasion de la découvrir et voir qu'elle pourrait aussi servir à la création d'environnements en VR. Donc je suis plutôt curieux. Ils n'utilisent pas Microsoft Flight Simulator ? Si. C'est plus du mapping, je pense. Peut-être qu'on remarque au niveau des collines, c'est fort probable qu'ils utilisent ça. Ils sont rares les jeux à utiliser ça pour l'instant. Et pourquoi pas, quoi. Ça peut être sympa. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que ça rend dans un casque. Et puis voilà. Déjà, au niveau visuel, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup penser à Google Earth. Ça, c'est clair et net. En plus fin et en plus précis, bien évidemment, mais ça a la même ambiance maison de poupée en fait. Ouais, et ça peut être pas mal. C'est un puzzle 3D. J'ai l'impression que les pièces, je sais pas trop comment elles sont découpées. Ça a pas l'air ultra instinctif à ce niveau-là. En tout cas sur les vidéos qu'on voit, je pense que tu dois être un petit peu désemparé quand tu te retrouves au tout début du puzzle. Au début, ça doit être la grosse galère. Ouais, ça a l'air d'être quand même assez galère. Et puis après, plaisant justement quand tu avances un peu plus dans ton puzzle. Donc voilà, c'est une curiosité en tout cas. Technologiquement, c'est quand même assez balèze. Mais après, voilà, au niveau ludique, bon, je suis pas sûr. Mais bon. Après, faut voir encore une fois si ça coûte 1 euro ou 2, ou si c'est. Bah, c'est sûr que si de balancer à 40 balles, faut arrêter les conneries. Mais si c'est gratuit ou si ça coûte 2 euros, ça peut intéresser du monde, pourquoi pas. En tout cas, j'ai trouvé ça drôle parce que bon, la dernière fois, Sony ont annoncé quand même 6 jeux avec Doom, avec tous ces jeux-là. Et ils nous avaient dit clairement que ce serait pour toutes les 30 minutes un jeu PSVR qui allait être annoncé. Là, c'était il y a 2 jours, donc ils ont annoncé des jeux indépendants. Et je m'attendais pas du tout à voir un jeu VR au milieu de ces jeux indépendants. Donc c'est encore une bonne surprise, et c'est encore ce que je disais tout à l'heure, où on rentre vraiment dans une phase où on est resté pendant des mois, mais voire 6 mois d'affilée, où on n'avait rien, un titre par mois. Et là, en quelques jours, sur une annonce de jeu plat, ils balancent ce jeu-là, qui est un jeu VR. Le lendemain, ils nous balancent les manettes. En fait, ça n'arrête pas, quoi. On a vraiment l'impression qu'ils ont envie de communiquer là-dessus. Là, clairement, ils sont en train de redraguer un petit peu tous les joueurs qu'ils avaient perdus à cause de leur bêtise. Ils en ont perdu. Et leur manque de communication, et tous les joueurs justement qui étaient lassés de rien entendre de la part de Sony, qui sont barrés vers la VRPC ou le Quest. C'est ça. Et que maintenant, ils disent « Allez, venez, vous allez voir, c'est bien. » Et qui reviendront pas. Mais enfin, bon. Sauf s'ils peuvent avoir un casque PC Sony. Mais je sais pas, parce que franchement, moi je redécouvre le PSVR en ce moment, je te dis, avec la PS4 Pro, je m'en refais plein de jeux que j'avais mis de côté. Il a toujours son charme. Hein. Bah oui, mine de rien quand même. Et puis je veux dire, t'as quand même très très lourd dedans. Hein. T'as du très très lourd. Moi, le Rift S, ça fait plus de trois semaines que je l'ai pas mis sur la tête. Hein. Puis il est très confortable. Hein, le PSVR, oui. C'est. Ouais. Ouais. Mais il se désagrège. C'est le problème. Putain, ouais. Ça, c'est l'horreur. J'en fous plein sur mon canapé. T'en fous partout à chaque fois. Ouais. Ouais. Ça. Donc voilà, c'était ce qu'on savait en tout cas sur Puzzling Places. Ensuite, on a un MMORPG, si je ne m'abuse, au doux nom de Illicia. Métis se dit Biza. Voilà, et je sais pas, ça fait un petit peu nom de stripteaseuse. Illicia, non, je sais pas. Illicia, MMORPG. Bon, c'était une vanne faible alors, d'accord. Développé par Team 21 Studio. Donc lui, c'est un jeu qu'on avait complètement oublié parce qu'on en avait parlé en octobre 2019. Et puis plus de nouvelles, et puis après ils ont refait un peu parler d'eux en disant on n'est pas mort, le jeu va arriver. Mais jusqu'à présent c'était un jeu qui était présenté par ses développeurs toujours comme un titre qui devrait être porté, ils aimeraient bien, mais c'était jamais vraiment clair. C'était jamais vraiment. Et là, c'est carrément clair, très net, parce qu'en fait, ils ont financé le jeu par une campagne Quickstarter. Et sur cette campagne, sur le site Quickstarter, ils ont toujours un petit blog d'activer pour discuter avec les financiers, quoi. Ceux qui leur donnent. Les investisseurs, plutôt. Et là, récemment, ils ont publié aux investisseurs un petit message qui en dit beaucoup, qui dit clairement « Nous sommes heureux d'annoncer que quelque chose qui pouvait sembler long à venir est enfin terminé. Nous sommes officiellement en partenariat avec Sony pour le développement PSVR sur nos nouveaux produits. Nous sommes en train de passer par le processus de pipeline, de catégorisation de jeux, l'audience, l'âge, etc. Vous aurez très bientôt plus de mises à jour à ce sujet et au fur et à mesure que le processus de développement du PSVR avancera. Très excité et très fier d'être officiellement partenaire de Sony. » Donc, maintenant c'est officialisé. On sait que Illicia va réellement arriver. Parce qu'il y a beaucoup de studios quand même qui disent qu'ils aimeraient bien le faire, ou des studios qui mettent le logo PSVR. On les voit jamais parce qu'en fait ils ont jamais eu d'accord. Alors eux, on sait par contre que maintenant ça y est, c'est concret, ils ont un accord. Donc le jeu en lui-même, MMORPG. Alors ce qui m'a fait vraiment marrer, c'est la taille de la map. La map fait 20 km par 24 km. Et les développeurs sont amusés à la traverser en supprimant tous les ennemis. Et en fait, ils ont mis entre 2h30 et 3h pour traverser la map. Donc, ce qui est pas mal. Vu la taille de la map, forcément, il ne faut pas s'attendre à du The Last of Us graphiquement. Parce que c'est des jeux qui sont tellement immenses que graphiquement, c'est même plutôt léger. Il ne faut pas prendre peur non plus parce que pour l'instant, c'est qu'une version bêta. Mais c'est même une version bêta... Alpha. Alpha, je dirais même alpha. Même au niveau des démarches des personnages, on a l'impression de se retrouver dans Second Life par moment. À mon avis, ça sera beaucoup plus joli que ça. Le jeu, il est loin d'être terminé. Par contre, c'est un monde heroic fantasy avec des trolls, des monstres, des machins, des montagnes. On peut aller sous l'eau. Tous les océans on peut se balader de partout. En nombre de joueurs simultanés, c'est énorme, je crois. Donc on va se retrouver là-dedans, c'est un Second Life, on va se retrouver là-dedans et puis vivre ça en VR. Donc c'est un jeu qui va peut-être arriver face à Zenith. Jusqu'à présent on n'en avait pas beaucoup des MMO, là maintenant on en a déjà deux en moins de 2 semaines d'annoncer. Bon, c'est ça. Donc ça montre aussi que c'est en train de s'ouvrir un peu, la VR est en train de s'ouvrir à d'autres types de jeux qui jusqu'à présent étaient plutôt rares. Les FPS, on en a bouffé, mais là peut-être maintenant qu'on va avoir peut-être d'autres choses, donc c'est une bonne chose. Voilà, je trouve ça bien, je trouve que c'est une bonne chose aussi, mais c'est casse-gueule, hein. Oui, parce que c'est casse-gueule. Le MMORPG, déjà que, enfin voilà, ça a connu ses heures de gloire déjà il y a quelques années maintenant, et c'est bien, bien dans le passé. C'est plus vraiment le style de jeu qui a le vent en poupe, et surtout en VR, quoi. Enfin voilà, il faut vraiment, comme on en parlait déjà quand on parlait d'un autre jeu là qui avait été annoncé, Zenith. Voilà, où faut les tenir, les joueurs, hein, sous leur casque, à jouer avec d'autres personnes. Il faut que les serveurs soient remplis, il faut qu'il y ait de la vie, faut que les joueurs jouent le jeu, justement, de ce type de gameplay. Donc casse-gueule, curieux, mais Surtout que c'est risqué. Surtout qu'on sait que la plupart des jeux sur PSVR, notamment la plupart des jeux qui étaient uniquement en réseau, ils se sont tous cassés les dents. Ah, c'est ça. C'est ça. Alors voilà, il faut que ce soit cross multi cross platform. Ouais, ouais. Et là, je vois qu'il est coming soon aussi sur Steam, celui-là. Donc je l'ai rajouté en favori là, et puis je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, parce que là, c'est ouais sur Steam par exemple, c'est adapté à tous les casques, hein, Valve, ah oui, HTC. Ah oui, il y a plutôt intérêt. Ouais. L'Index, l'Oculus Rift et le WMR. Donc normalement, ouais, toi Seb, t'es plutôt genre MMO un petit peu ou c'est Pas du tout. Très bien, nickel. Ouais, moi non plus, hein, ça me parle pas plus que ça. Ma vie là-dessus. C'est ça. Déjà, enfin, en fait, les jeux multi, j'aime bien jouer avec des potes, mais sinon, comme ça, avec des inconnus, des étrangers, c'est pas trop mon. Voilà, des étrangers, c'est pas trop mon dada. Ouais. Dirais. Et du coup, ouais, non, les MMORPG, je sais pas. Et j'ai vu la bande-annonce, ça m'a pas pu se transcender que ça. Bon, je sais que c'est en alpha. Mais ouais. Enfin, je passe. C'est ce style de jeu qui mise beaucoup sur un certain succès quand même. C'est peut-être un peu tôt en VR, ouais. ce type de jeu. Il y a peut-être surtout pas assez de casque. Ouais, enfin il y a ça et puis aussi enfin visuellement et au niveau de l'univers, ça a l'air très très calibré, Heroic Fantasy, mais déjà vu sur des très très vieux MMORPG, je crois que c'était EverQuest ou des trucs comme ouais. Ça, c'est vraiment le même genre. Ça a pas l'air d'amener une originalité supplémentaire, même pour les passionnés de MMO. Donc ouais, bon, on verra ce que ça donne. Après, de dire que c'est trop tôt, je suis à moitié d'accord. Enfin, je pense que là, si tu lançais un Skyrim Online, un truc comme ça en VR, ça marcherait. Ouais, c'est quoi. Clair. Après, il faut peut-être avoir une licence. Il faudrait que ce soit une licence. Ouais, voilà, c'est licence, ça. Voilà. Et pareil, quand tu vois le nombre de consoleux et de gens sur PC plat, tu vois qu'il y a quand même des serveurs qui ont du mal à se remplir. Alors en VR, on est quand même un tout petit peu. Allez, on représente 1 ou 2% de ces gens-là. Donc c'est quand même, ouais. C'est quand même casse-gueule, quoi. Ouais, de travailler pendant 6 ans sur un truc et puis au final. Puis je veux dire, un MMORPG, ça dépend le gameplay et voilà, la progression de ton personnage. Faut quand même farmer, faut quand même faire du level up, faut faire un petit peu de craft. Il faut que ce soit comme No Man's Sky, que tu puisses jouer en plat et ouais. En VR. Voilà, ouais, c'est bien. C'est ça. Et, ouais. Et que ce soit multiplateforme. Et là, dans ce cas, MMO, t'as des gens. Les MMO, clairement, tu te dis, quand tu commences ta partie, voilà, pendant quelques heures, là, je vais faire tous les trucs chiants, c'est-à-dire je vais faire du craft, je vais faire mon petit entretien de mon personnage, etc., pas forcément avancer dans l'histoire. Et ce genre de truc-là, effectivement, si tu pouvais le faire en plat, ça serait déjà moins risqué, quoi. Parce que faire tout ça en VR, enfin, le temps passe plus lentement en VR, hein. Les trucs chiants, c'est deux fois plus chiant qu'en plat, hein. Faut voir comment c'est construit, parce que les développeurs ils ont clairement expliqué aussi que ce serait pas que de la baston. Si par exemple il y avait des gens qui étaient plutôt loups solitaires, qui voulaient juste aller se balader, ça serait possible, et ça les empêcherait pas quand même de gagner des points ou de l'XP, voilà, même s'ils sont que tout seuls à se balader, parce que la map est tellement immense que tu peux très bien te retrouver tranquillement à aller juste visiter le monde sans avoir à te fighter contre ça, Pierre Paul Jacques. Ça c'est bien, c'est justement le pari qu'avait fait Elder Scrolls Online quand il était sorti. Il disait oui, mais c'est pas la peine en fait de forcément d'avoir d'amis ou un groupe pour pouvoir en profiter, jouer. Tu peux être seul tout et puis quand même avancer dans l'histoire, donc c'est pas mal. Il est prévu pour 2021, donc il devrait pas trop traîner sur PC, il va pas tarder, et PSVR également. Allez, bah très bien. Donc c'était tout pour Illicia du coup, et on va terminer sur quoi, une mise à jour, c'est ça, d'un jeu surcoté, Beat Saber. Ah oui, exact, Beat Saber qui va avoir une alors ça c'est plus un petit tweet qui est passé avec un décompte, c'était un compte à rebours jusqu'à, et ça s'arrêtait à 4 et ça annonçait je crois que c'était la date du 18 mars il me semble, donc c'est aujourd'hui. Attends, je dise pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et donc en fait, c'est un nouveau pack de musique qui sera pour Beat Saber. Donc on sait pas encore les titres qui seront dedans. Alors on enregistre. Je crois que ça a été ça dévoilé. Y est, c'est fait. Il y a 4 titres, il y a que 4 morceaux et il y en a un de Camilla, je sais plus quoi. Ouais. Jordana. Non. Non, je sais plus, c'est Camilla. C'est un truc qui est déjà. Un artiste qu'on trouve déjà dans les chansons de Beat Saber. Et un autre gars aussi, là. Je sais plus si c'est Jared, je sais plus quoi. Ou... Leto ? Non. Celui. Enfin, il y a un morceau de cet artiste déjà dans Beat Saber où il dit Beat Saber dedans. We play Beat Saber. Jaroslav Beck. Voilà, c'est ça, Jaroslav. Alors lui, donc c'est, là, c'est l'ancien PDG de Big Games, morceaux. En fait. D'accord, bah, il y a deux nouveaux morceaux de lui, et je ne sais plus, après, ouais, voilà. Alors, il y a quatre ils ont morceaux ils ont été, radins sur le coup, parce que les anciennes versions qui étaient sorties en 2018 et 2019, les anciens packs, ils avaient 12 morceaux par pack, et là, il n'y en a que 4, tu me dis. Bah, j'ai l'impression, j'ai cru voir passer Dommage. Ça, et j'ai l'impression qu'il y a 4 morceaux. Mais et il y a aussi Pistol Whip, je ne sais pas si vous avez vu, qui travaille sur une nouvelle campagne apparemment. Ah oui, bah on avait fait une vidéo avec oui. Cyril, justement, 2088 je crois, un truc comme ça. Il y a une histoire oui qui est sortie sur PC, mais ouais. Là il travaille sur encore une autre campagne visiblement. D'accord. Et bah ça c'est un vrai jeu, ça c'est un vrai bon jeu Pistol Whip, voilà. Ouais. Plutôt que Beat Saber. Voilà. Je préfère Super Hot. Bah ouais, bah rien à voir, mais bon. Mais du coup, en tout cas, voilà. Quand même. D'ailleurs, on a toujours pas. Esthétiquement. On a toujours pas entendu parler du mashup là qu'il devait faire. D'ailleurs, ça fait un moment ça. Un truc qui. Ils devaient pas faire un jeu ensemble, Beat Saber, Pistol Whip. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas. J'ai jamais entendu parler. Si, peut-être bien. Bah, ouais. Si, peut-être il me bien. Semble qu'on avait même fait un article là-dessus. Ah bon. Sur les news, je me rappelle pas. C'est parce que ça fait un moment. C'était et Pistol. Y a plus de news je sais pas si c'était Pistol Rick qui était avec eux. C'était pas quelqu'un d'autre. Pistol Hot. Et il me semble non que c'était. Il y avait bien Super Hot. Non, il y avait Beat Saber. C'est pas Pistol Whip. Super Hot et Beat Saber. Ouais. C'est Super Hot et Beat Saber. Exactement. J'ai bugué et j'ai confondu. Mais enfin, en tout cas, on n'en entend plus parler et c'est fort dommage. Bon, peut-être pour le PSVR 2. PSVR 2, ouais. On sait jamais. Voilà, et eh ben je pense qu'on a. Il y a juste petit truc pour ceux qui sont intéressés par la version physique de Doom 3 qui va débouler le 29 mars 2021. Juste pour info, Micromania, ils ont l'exclusivité sur la version physique. Alors je sais pas pendant combien de temps, ça reste temporaire. En tout cas, le jeu est déjà affiché chez Micromania à 19,99€ et en précommande. Si, pour ceux que ça intéresse, voilà. Et juste pour dire que Doom 3 VR durera 15 heures à peu près en moyenne, ce qui est plutôt honorable pour un jeu VR. Et puis quoi, voilà. Plus que ça. Oh, je sais pas. Ils ont annoncé 15 heures à peu près. 15 heures avec les add-ons. Oh, il me semble. Il sera jouable à l'aim controller. Ah oui, il sera jouable à l'aim controller. Exact. Ça c'est bien. Tu l'as fait toi sur PC, Seb? Non. Non. Non, non. Je l'ai fait encore. Tu l'as pas fait? Mais pas en VR. Un petit patch 200 mégas. La version non officielle, ouais, je l'ai vu, hein, mais j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'essayer encore. Ça tue la gueule. Et puis, bah, j'ai vu ta vidéo, ouais. Voilà. Il y a pas très longtemps du tout, d'ailleurs. Ouais. Là, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, je pense que c'est tous les amis pour cette semaine. À moins que vous ayez encore quelque chose à déclarer. Non, rien de spécial. Un dernier mot. Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'avait pas parlé la semaine dernière de Floor Plan 2 qui allait arriver. Split. Oui, c'est vrai. Split. Bon, toujours le concours Perps Games. Non, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et on avait parlé de Zombieland aussi et de Hubris. C'était deux jeux qui allaient débouler. Ouais, donc, Zombieland, bon. Ça avait pas l'air. Non, Zombieland, ça n'a pas l'air cassé. Pas l'air folichon. Pas un canard. Non, pas trop. Et ben voilà, en tout cas, si vous voulez avoir toutes ces news et continuer à nous suivre, vous pouvez nous trouver sur vrplayer.fr, aussi dit VR4Player. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Spotify, PodCloud, Deezer, Podcast Addict. Vous tapez sur Google, vous nous trouvez, c'est pas possible de nous rater. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous rajouter une petite note sur iTunes, ça va nous faire plaisir et surtout nous aider et nous motiver à continuer l'émission. Je répète que l'émission n'est pas sponsorisée, nous n'avons pas de partenariat, on fait ça bénévolement, on fait ça pour se faire plaisir et pour vous faire plaisir. Et voilà, tout ce qu'on demande, en fait, justement, c'est... je rajouterai des violons. Et tout ce qu'on demande, voilà, c'est d'avoir vos retours à vous et puis avoir un bon référencement sur iTunes pour se faire connaître. N'hésitez pas à en parler à droite, à gauche, à vos connaissances, à vos collègues de boulot, à vos copines, à vos copains. Et puis voilà, histoire que autour d'un VR domine le monde au bout d'un moment. Certainement en même temps que la VR en temps et en heure. Merci Sébastien, ça m'a fait super plaisir que tu participes, surtout que c'était pas prévu, mais c'était cool. De même, de rien. Et d'entendre ta voix suave, qui m'avait tellement manqué. Merci. Merci. Tu peux nous refaire encore un petit... si vous voulez... Merci, bonsoir. Taper gourdin. Au oh, vers 4 players. Oh là là, on s'en lasse pas. Bon, bah, en tout cas, voilà, on espère te retrouver très prochainement au podcast. Maintenant qu'il y aura quand même pas mal de choses à raconter et puis à tester et à essayer. Merci Laurent d'être toujours là, toujours fidèle au poste. Et puis merci aux auditeurs, merci aux tipeurs, merci ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui partagent un petit peu leur passion avec nous. Et puis on vous fait des gros bisous. À dans deux semaines. Ciao, ciao. Allez, ciao. Bisous. Bye.